Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de ARZO et une production Young Media. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro Nouveau. Tout le monde! Salut tout le monde et bienvenue à ce 132e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les gars? Oui! Toujours! Yes. La canicule nous a eu! Oui! La canicule! La canicule! Ça nous empêche pas d'avoir des nappes en gros tissu de grand-mère qui nous chauffent les cuisses. Je sais pas que je ramasse la couverte anti-chat qui traîne sur le sofa en arrière pour faire la. Ah, est anti-chat cette couverte-là? Ouais, mais c'est pas que le chat fasse ses riffs. Ça la joue aussi. Ouais. Ben le chat va pas dessus techniquement, ça l'empêche. C'est anti-chat, ça marche pas. C'est anti-chat. C'est merveilleux. Tu mets ça, puis on va dormir avec pas ça, un chat qui vient. Oh, nice. T'es malade, ça. C'est ça qu'il faut, Adam, finalement. Ton poncho dont tu rêves, là. J'aime ça, les ponchos. Tu me fais réaliser que j'aime vraiment les ponchos. Ah, t'avais tellement l'air heureux, là. Ah, j'ai la photo dans mon téléphone. Ouais. Là, en tout temps, même, d'ailleurs. On a eu un party, justement, durant un WEG, puis Dominique est... a mis le poncho. Ouais, c'était le poncho à Milton ou le poncho c'est à Eric? C'est la mère d'Éric Hébert de Geek Collectif, le podcast, qui a fait un poncho. Elle l'a fabriqué. Ça, c'est moi sous. j'ai la misère. C'est moi sous au WEG qui porte le dit poncho. Je me prenais pour Macho Man là-dedans. C'était merveilleux. J'étais détruit. Il était 7h15. Ouais. Je me disais, calice, qu'est-ce que je vais faire? Je fais du live. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du live et des trucs? Ben oui, le chat marchait pas tantôt. Puis là, il a décidé qu'il marchait. Fait que là, tout le monde peut voir ça présentement. Ben oui, live. Pas de professionnalisme. C'est donc ben hop. Ben non, wow. C'est malade. Ah, vous savez comment c'est fait, pixels, les ordinateurs. Les machines. Alright. Hey, comment ça va pour de vrai, sérieux? Là? Yes, oui, ça va bien. Il y a 31 personnes qui nous écoutent là. Ouais. Ouais, il y a trop d'affaires, d'informations à cet écran-là. Oui. Tout le monde perd le focus. Bon. On fait les présentations comme d'habitude. Fait que je suis avec Fred Jemus. Et ce soir, je vous parle du bruit parce que je suis juste là pour déranger, finalement. J'ai pas de jeu, j'ai pas de critique. Ben, bois de la bière. Hey, occupe-toi de ça. On est chez nous, je m'occupe de la technique. Là, exact. Non. Ben, toi, t'es qui? Dominique Bourret, papa cassette, rédacteur à RDS. Ouais, exact. J'ai rien écrit. À ce soir, je vais parler de Azure Striker Gunvolt. Ah, yes. J'ai fait le Striker Pack sur Switch, puis je me suis surpris à avoir du plaisir, donc je vais en parler tout à l'heure. Yes. Malade. Et MC de la soirée. Bruno Georget avec vous, puis je vais vous parler de Lumines Remastered, ainsi que de Pokémon Puzzle Challenge. Colin, c'est rare que je fais des critiques rétro. Deux jeux de puzzle-esque. Volé ma job, mon crétin. Très puzzle, man, de ce temps-là. Ouais, mais ça, c'est à cause de mon Game Boy. Là. Je joue tout le temps, je découvre des affaires. J'ai même découvert récemment, je sais pas si vous connaissez ça, Survival Kids. Non. C'est un jeu de Konami, fait. Puis c'est un jeu de survie, sauf dans le temps que justement il n'y avait pas de vue isométrique ni rien de ça, là, mais c'est un jeu de survie qui ressemble à fait Zelda sans aucun boss ni rien, juste essayer de trouver du bois puis une allumette pour faire du feu et tout. D'ailleurs, ouais. Quelqu'un qui demande présenter le chien, s'il vous plaît, c'est vrai, pour ceux qui sont dans la vidéo, il y a mon chien qui veut absolument rester tout le temps dans le décor. Valentin, le pug tannant qui va sûrement se mettre à maner à pleurer pour rien parce qu'il va vouloir monter sur le dôme ou quelque chose. Je suis allergique aux animaux, fait qu'il vient vers moi naturellement. Puis, vu que j'ai mis en vélo, j'ai chaud, fait que là j'ai comme suintant un peu, mais là il liche le sel de ma sueur sac. Sur mes jambes. Wow. C'est comme un. C'est très animal. Il aime ça licher, mais licher, ça aime ça licher. Ouais, hein. Ben écoute, c'est. C'est leur job. C'est ta job, hein? Bon, on avait-tu du housekeeping? housekeeping à faire, messieurs, avant de se lancer dans le vif du sujet? Pas tant, c'est l'été, donc c'est un petit peu plus relax, mais on avait un message dont on voulait parler. Oui, on a reçu un très très beau message que... Adam, Adam, qu'on est allé visiter d'ailleurs. Moi et Fred, on a acheté un beau gros lot de consoles à Adam, et puis il nous a dit qu'il écoutait le show depuis pas longtemps, puis il a comme tout de suite là, tout écouté la... l'histoire d'une traite, là, il a tout écouté le catalogue. C'est très cool. Je vais juste lire son message vite. À toute l'équipe de Rétro Nouveau, j'ai récemment découvert votre podcast et pratiquement terminé l'écoute de l'entièreté de vos épisodes. J'aimerais prendre quelques instants pour vous remercier du temps que vous offrez ponctuellement pour notre bon divertissement. À vrai dire, je ne saurais imaginer la quantité d'heures investies derrière vos micros et vos écrans à vous gaver de Doritos. Mais le résultat en vaut décidément le détour. Vos critiques sont captivantes, votre chimie d'équipe est palpable, vous vous complétez mutuellement, et c'est tout en arborant un style unique à chacun. Bref, vous livrez un divertissement d'une qualité exceptionnelle, voire de calibre professionnel. Je salue la rigueur de votre travail. Encore une fois, merci. J'ai appris toutes sortes de choses grâce à vous, sans compter tous ces jeux que je découvre d'épisode en épisode qui s'ajoutent à une interminable liste d'achats. Bonne continuité. Wow, merci! Merci, Alain. C'est des beaux messages. T'es bien sympathique, d'ailleurs, comme Gaillard. Ouais. Ouais, merci, c'était bien agréable. Puis merci pour le message, sérieux, c'est vraiment cool. Ben oui, ça fait du bien. Puis, tu sais, il a raison, je trouve. C'est ce que j'aime aussi, tu sais, de Rétro Nouveau. Je trouve qu'on a... On est tous différents, tu sais, mais ça fonctionne. Là, c'est comme la dynamique est bonne, là, tu sais. Que... Il y a une camaraderie naturelle. Oui, Qui existe pour vrai, c'est pas fake, c'est pas stagé. Exact. Fait que c'est le fun. C'est pas pogné, là. Non, exact. C'est pas les millions qui tiennent ça vivant. Non, puis, tu sais, comme il y a du knowledge, il y a des jokes, mais il y a un bon, il y a un fond de connaissance, quand même, tu sais. Fait que. On n'est pas des guenilles. On n'est pas des guenilles. On n'est pas des guenilles. On va l'être d'ici la fin du show avec toutes ces belles ça rentre dangereusement. Non, avec, je suis salé, vous êtes tantôt. Canicule va nous avoir, la canicule guette. Aïe, aïe, aïe. Hey, fait que, on va y aller tout de suite pour avoir bien du temps pour jaser de tout avec ma critique. Je vais faire la critique de Lumines Remastered. Puis, Lumines Remastered, en fait, ça vient d'arriver, mais c'était sorti initialement sur PSP. C'était un des jeux de lancement de la PSP. Originalement, le premier, là. Le premier PSP. C'était PSP. Puis c'était un launch title. Fait que quand la PSP est sortie, je me souviens plus exactement de la date, mais quand la PSP est sortie, c'était vraiment un des premiers jeux c'était que le monde achetait. Tetris de la PSP, quasiment. C'est ça, c'était le Tetris de la PSP. Puis tu sais, t'avais des bons... c'était un bon launch, la PSP. Il y avait justement Wipeout aussi qui était sorti en même temps. T'avais eu un Ridge Racer aussi qui était hot. Mais il y avait des bons jeux. Puis ça, c'était un des meilleurs jeux. C'est un des meilleurs jeux de puzzle qui a jamais existé, Lumines. Puis il est... Bizarrement, il est, tu sais, à toutes les fois que quelqu'un y joue, il trippe, mais c'est un jeu qui est difficile d'approche parce que quand on le regarde, ça a l'air un peu... T'es pas trop sûr de ce que c'est exactement. Le fonctionnement de Lumines, en fait, c'est que tu vas avoir des cubes, puis ces cubes-là sont en formation de 4. Il va falloir que tu fasses une rotation sur ces cubes-là, puis tu vas avoir, disons, admettons... En forme de carré. Il y en a 4 en forme de carré. Ouais. Puis, des fois, mettons, t'en as 2 oranges à gauche, 2 blancs à droite. Mais c'est toujours des carrés, là. C'est pas des barres, là. C'est tout le temps des carrés, il n'y a jamais de barres. Okay. Puis avec ça, il faut que tu fasses descendre, puis il faut que tu fasses des plus gros carrés, en fait. C'est tout le temps des formations carrées ou carrées à l'horizontale, à la verticale, tout ça, mais il faut tout le temps que t'en aies au moins 2 d'épaisseur. Ouais, ouais. Puis, ce qui est le fun dans Lumines, puis ce qui est weird en même temps, c'est que c'est comme un jeu musical aussi. En fait, c'est que la musique, elle change tout le temps, puis tes niveaux sont faits aussi en fonction de la musique, en fonction du skin, puis tout ça. Des fois, ils vont changer le visuel de façon même à faire que t'as de la misère à voir exactement qu'est-ce qui se passe, puis ça fait partie de la difficulté. Fait que des fois, le graphisme est vraiment comme acide à la limite. Puis ça fait que c'est encore plus difficile. C'est comme un autre niveau de difficulté. C'est de la musique composée pour le jeu? C'est de la musique composée pour le jeu. Okay. Puis, en fait, à toutes les fois que tu fais des... À toutes les fois que tu fais des... Je sais pas comment appeler ça, mais disons... Des Tetris, mettons. Ouais, des Tetris. Mais à toutes les fois que tu fais des points, en fait... À toutes les fois que tu fais des points, tu vas avoir justement une partie du beat ou quelque chose qui arrive, qui part, puis... tu vas aussi avoir différents stages à cette musique-là, ce qui va faire qu'à un moment donné, elle devient orchestrale puis géniale. Puis au moins, au moment où tu es rendu comme au summum de cette musique-là, ça change. Là, tu changes un autre tableau. Fait que tu n'as jamais le temps de te tanner parce que ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. La twist aussi, c'est que contrairement à Tetris où tu descends tes affaires puis ça se défait, ouais, tu as une barre qui sert comme de métronome qui passe de gauche à droite de l'écran. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que tu vas placer tes affaires, là tu vas voir à peu près qu'est-ce que tu peux éliminer, puis cette barre-là va venir effacer tout ça. Fait que à dernière minute, en descendant vite, tu peux faire plus de combos puis plus de trous de lumineuse en fait. Ok. Puis ça, ça fait que c'est bien, bien, bien excitant puis bien énervant, puis faut que tu sois là, direct dessus tout le temps. Ça, c'est vraiment cool. Dans Remaster, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste, évidemment, le graphisme est amélioré en termes de HD, 4K, tout le kit. Mais sinon, c'est le gros package. T'as le mode versus à deux, t'as le mode en ligne, t'as aussi un mode casse-tête, t'as un mode time attack, tous ces modes-là, en fait, sont dans quasiment tous les meilleurs puzzles. Ouais. Ils sont tous là-dedans. Puis c'est vraiment très cool. Ils sont vraiment forts. Tu peux même te battre aussi contre l'ordinateur. T'as comme une espèce de versus où c'est quasiment comme une bataille de boss. Parce que là-dedans, dans Lumines, t'as des avatars. Puis ces avatars-là ont quand même de la personnalité. Fait que ça fait comme des batailles de vrais boss, en fait. OK. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis c'est même des fois dérangeant. Là, t'as comme une espèce de bonhomme weird de l'autre côté qui te fait des moves. Puis le versus, j'ai trouvé vraiment cool parce que le versus, la manière ça marche, c'est que plus tu défais de trous, plus la grosseur du niveau que tu peux occuper est grande. Fait que lui, dans le fond, il se retrouve serré là-dedans, puis il essaye de faire des trous, puis il est pas capable, tu sais. Fait que ça fait ça comme ça, sans arrêt, c'est super tough. Fait que c'est ça, tu sais, c'est un puzzle, fait que c'est pas toujours évident non plus à expliquer. Comme ils disent là, c'est vrai qu'avec du gameplay, expliquer Lumines, ça serait plus. Exact. C'est. Ouvrez-vous une petite fenêtre sur le côté, là, puis allez voir ça. Là. Exact. Mais bref, Lumines, c'est vraiment, vraiment, vraiment écœurant. Cette version-là, c'est vraiment la meilleure. Je vois pas vraiment ce qui pourrait améliorer là-dedans. Sur Switch, hein, tu disais? J'y ai joué sur Switch. Ouais. Il sort aussi PS4, Xbox One, PC. OK. Fait qu'il est vraiment sur tout. T'as pas de raison de pas jouer à ça. C'est un bon package pour le prix aussi. Il est 20$. Fait que, ah ouais, pas, il est juste 20$. Ouais. Ça, c'est cool parce que quand c'était sorti au PSP, comme c'était un launch title, mm-hmm, full retail price, dans le temps que les jeux étaient 39,99$, ouais, fait que c'était pas si grave finalement. Mais il était sorti par la suite sur 360 puis PS3, ouais, en HD genre. Ouais, c'est ça. Puis quand il l'avait sorti là, il avait baissé le prix, là, il avait fait un jeu téléchargeable. Parce que les gens s'en rappellent peut-être pas, mais quand ils ont sorti Xbox Live Arcade puis PS Store à l'époque, la mentalité c'est que tous les jeux coûtaient 5 ou 10$, puis un jeu à 10$, oh c'était vraiment le gros fucking jeu, là. C'était ça marchait en Microsoft Points aussi. Colin, c'était genre 400 ou 800 points, puis 800 okay, points Microsoft, ça coûtait 10$. Fait que tu sais, un jeu devait. Puis là, maintenant, ils ont commencé à faire des jeux à 1200 points, puis là, ça a déraillé. Mais rappelez-vous, dans le temps, que les jeux coûtaient pas cher. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'est une super bonne information. mais c'est ça, moi, je vous le recommande fortement. Ça, c'est un jeu, évidemment, avec du gameplay, vous allez pouvoir voir, mais je pense que c'est vraiment en l'essayant qu'on trippe, parce que s'il y a une chose que j'aurais amélioré de Lumines en ayant repassé par-dessus, c'est justement le visuel d'approche pour commencer, tu sais, même le key art pour ce jeu-là, même, tu sais, on faisait la bannière pour l'épisode, tu sais, pis c'est plate, pis ouais, y a rien de vraiment trippant quand tu la regardes de même, fait que tu sais, c'est difficile quand tu vois quelque chose d'être attiré à ce point-là, mais c'est vraiment un des meilleurs puzzles à vie. Fait que c'est ça, fait que pour toutes ces raisons, moi j'y donne un 9 sur 10. Quand même. Fait que. Ouais, c'est ça! Tu sais, je suis en train de penser, j'étais le Chris, on aurait dû écrire les notes sur des cartons. Ah ouais! Hey, appelle Fanny qu'elle vienne avec une pancarte. Fanny, oublie ça, ça va trop s'appliquer, puis ça va arriver à la fin du show. Et ouais, exact, ah ouais, ça va être super propre. Ah ouais, on le fait. Nerveuse, c'est-tu correct? Non, mais c'est ça. Mais allez acheter ça, Lumines, c'est super le fun. Puis mais au pire, allez, pogner une vieille PSP. Ah, pour, ça parce, c'est elle fun, la PSP, sérieux. C'était encore pour la collection, console, là, c'était une bonne console. Moi j'admets que j'ai beaucoup aimé ma PSP. Ouais. Il y avait des jeux qui étaient le fun, Megaman, les Megaman sur PSP. Moi, Siphon Filter, mon gars, j'ai tellement trippé là-dessus, tu sais. Sam, il y a Metal Gear Peacekeeper, ouais. Là, qui est genre un full-fledged, complet jeu de Metal Gear, ouais. Complètement développé, c'est... unique à ben, la PSP, le... qui est genre... Ouais, ben Peacekeeper, oui. Qui est vraiment bon, ouais, oui. Puis que malheureusement... C'était comme un autre genre, c'était comme un Metal Gear, mais il avait changé légèrement la formule pour la console. Fait que ça, c'était vraiment hot, là. Mais PSP, il y en a des jeux, là, puis il y a plein de jeux... japonais aussi qui était vraiment cool, tu sais, il y avait Gurumen qui est un genre de RPG vraiment hot aussi. Oui, d'ailleurs, on a une copie loose en ce moment en stock chez Retro MTL. Bon, c'est peut-être le code Retro Nouveau et vous aurez un rabais de 20% Quand on va aller acheter Dracula X Chronicles, oui. Qui est une belle, un beau package à posséder. Une belle collection aussi. J'ai pas beaucoup de PSP derrière, là, mais les jeux que j'ai sur PSP, je les adore vraiment tous. Ouais. C'est le format UMD, là, c'était de la merde. Là. Ouais. J'ai eu une Vita, puis je l'ai vendue. Ouais. Mais t'as gardé la PSP. Je la garde parce que PSP, il y a vraiment des jeux que j'aime beaucoup. T'sais, je vois d'ici là, les Gradius Collection, les Mega Man. Ouais, ça c'est beau. T'as la voir qui était bon. Ouais, la Gradius Collection. C'est vrai qu'il y a des beaux collections. Gradius dans ta poche. Gradius dans ta poche, je suis toujours avec toi. Hein? Ah, man. Mais, ouais, Resistance, t'avais acheté Resistance. Ouais. Mais il était bon. Il était bon. Il était très bon. Il était très bon. Il était très impressionnant. Il faut se rappeler que la PSP, c'était un peu comme une PS2 qui était un drôle de thumbstick. Hey, écoute, on va regarder les questions par rapport au jeu. Tantôt, il y a quelqu'un qui demandait si c'était fait par Gameloft. Mais si je me rappelle bien, Gameloft, effectivement, c'était la version mobile, je pense qu'il faisait. C'est la version mobile. Donc, sinon, ben oui, effectivement, ben, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr qu'il n'y en a pas malheureusement le footage ce soir avec lui. Donc, il faut l'imaginer dans sa tête. Faut ben, s'imaginer. Ben, c'est là qu'on apprécie là, Jean-François, c'est son apport. Il nous manque. Il est si loin présent. Ah, ouais, c'est ça, il est pogné dans les machines, pogné dans le VR. Ah, il est en train de nous pimper un de ses PC, mesdames et messieurs. Je connais rien d'un PC, mais quand j'ai vu l'image... Mon pénis. Je vous laisse imaginer le reste. Je tiens à souligner canicule. Je tiens à souligner que tous les efforts mis par Jean-François pour créer genre une narration sur sa disparition qui est perdue dans le VR servent à rien parce que tout le temps que on blogue le studio qui sont déménagements. On dit pas, ok? On fait semblant. Mais en attendant, là, mettons qu'on changerait de sujet, mon beau. Ben, c'est à mon tour, là. Ben, oui, écoute, j'étais en déménagement. J'ai tout pacté mes consoles. Je n'ai gardé que ma Switch et la Wii U pour Netflix. Parce que s'il y avait Netflix dans la Switch, Chris serait au vidange immédiatement. Mais là, C'est Netflix qui tient la Wii U à maison, sérieux. Fait que, puis j'avais acheté, ben j'ai quand même un backlog pas pire là, sur Switch, tu sais, j'ai acheté beaucoup de jeux, puis j'ai pas eu le temps de toutes les faire, j'ai vraiment un parent. Puis là, je me suis lancé sur Azure Striker. Azure Striker Gunvolt, le pack, le Striker pack qui contient le 1 et le 2. Ouais. Et puis, dans le temps, j'avais joué à la 3DS, j'avais téléchargé ça, moi, ne connaissant absolument rien de ça. Ouais. Parce que, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ça a l'air le fun, je l'ai téléchargé, j'avais éprouvé du plaisir. Et puis, ça, c'est très Megaman, tu sais, c'est Megaman X, là, ce jeu-là. Tu veux comme ton fixe de Megaman X, là, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Tu veux dasher, tirer, puis dasher, puis tirer. Ah ouais, puis tu colles sur les murs, pareil comme X, là, tu sais, ça, c'est merveilleux. Fait que je m'étais rendu dans le dernier niveau où est-ce qu'il y a un boss rush, tu sais, puis j'avais pas réussi à aller battre, là, finalement, mais je manquais de concentration. C'était le temps des fêtes. Mais malgré tout, quand j'ai eu une Switch, moi, mon but de Switch, c'est d'acquérir tous les jeux physiques que je trouve beaux, nice et cool d'avoir. Ouais. Puis ça, c'en était un. Ah ouais. Fait que je l'ai racheté. Et puis, je me suis dit, fuck it, t'es pas un faible, Dominique Bourret. C'est pas vrai que Papa Cassette va pas finir son Gunvolt. Fait que j'ai refait le premier. Okay. Puis, man, à ma grande surprise, j'ai éprouvé une grande quantité de plaisir. Là, Parce que j'ai pris le temps de bien saisir. Parce qu'il se passe des choses dans ce jeu-là, pareil, il y a une histoire, il y a du monde qui la trouve un peu emmerdante, moi je trouve ça intéressant, il y a du monde qui ont comme des skills là, naturels, puis il y en a d'autres qui ont des skills qui sont comme données par une entreprise, puis là il y a un gars à travers de ça qui aime pas rien de tout ça, il veut tuer tout le monde, lui c'est un puriste, puis c'est très japonais-esque là, très très très, mais l'histoire est quand même intéressante. Puis les niveaux, dans le fond, sont séparés par boss, comme dans Mega Man. Et puis tu choisis ton niveau, puis t'as ton boss à la fin. Puis c'est pas tant nécessairement le gars de la glace, le gars du feu, mais oui quand même. Mais le c'est très mal, le gars qui fait très mal, le gars qui gosse, le gars qui demande les timings de feu. C'est ah ouais, ça, c'est là. Ça. Sérieux, s'il y a une caractéristique du premier, c'est que les niveaux sont hyper faciles, c'est presque impossible de mourir. Ouais. Et les boss parce sont que, très c'est durs. C'est ça, parce qu'il faut que tu te rendes au boss. Exact, les niveaux, exact. C'est juste quand t'as chargé puis crinqué pour le boss. C'est ça, c'est ça. Puis quelque chose que je pense que t'avais pas compris toi Bruno en jouant. Non, moi je comprends que, rien. C'est ça. C'est que quand tu pèses ton bouton, t'as un personnage d'éclair, de ouais. Lightning, tu sais. Fait que quand tu pèses le bouton sur R, t'as un aura de lightning autour de toi. Mais par contre, avec ton gun, quand tu shoots une balle sur whatever enemy, ça les tag. Donc quand tu fais ton aura de lightning, il y a des éclairs qui partent sur tout ce qui est tagué, tu sais. Fait que tu gardes ton bouton enfoncé, puis ça les fait péter partout. Puis ça. Une jauge de 100%, donc tu peux overheater si t'es tout le temps en mode électrique. Okay. Fait que c'est ça. Fait que la façon que tu performes dans le jeu là, c'est que tu tagues le plus de monde, tu crains, t'es explose, tu continues ton chemin, dash. Mais c'est pas là-dedans qu'il faut que t'arrives proche, que tu écris une volée. Non. C'est dans quel jeu que j'ai fait ça, c'est moi? C'est Mighty Number 9. Oh, non, mais non, c'est pas Mighty Number 9. Ah oh, non, c'est Mighty Gun Vault. Ouais, je voulais en parler plus tard. C'est ça. Puis un feature très intéressant, c'est que quand t'es sur le bord de overheat, tu lâches ton électricité, tu pèses deux fois par en bas, puis il recharge d'un coup, là, tu sais. Toutefois, en tapant deux fois par en bas, tu recharges. Okay. Fait que ça, c'est intéressant. T'as des power-ups à accumuler, t'as de l'équipement, dans le fond, t'as des meilleurs guns, t'as un optique, là, un verre de contact dans chacun. C'est vraiment ça que c'est. Un dans chacun qui donne chacun un skill différent. Et puis un pendentif. Et puis dans le fond, ça tu les ramasses en refaisant les missions puis en réussissant des challenges. Okay. Fait que en fait tu ramasses des matériaux puis tu construis ces affaires-là. Puis tu donnes des matériaux à la fin de chaque niveau aussi. Mais ça, c'est ce que je trouvais un petit peu compliqué de ce jeu-là, la gestion des matériaux, parce que c'est tout des noms compliqués. Ouais. Puis mettons, tu veux telle arme ou tel œil de contact, ben, tu te souviens pas que ça te prend 2 nanogrammes puis 10 trigligistes, tu te souviens pas de ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment chiant, là. Si à la fin du niveau, avant de sélectionner ce que tu ramasses comme loot, il te mettait au moins ta liste d'items, qu'est-ce que ça te prend pour acquérir tel ou tel. Tu sais, comme. Ouais. Ça aurait aidé, là. Parce que tu t'en crisses, là, au final. Parce que t'as pas nécessairement besoin de ça. Par contre, il y a des items très intéressants qui te font genre un double jump, un dash dans les airs, tu sais. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des ennemis que c'est nécessaire, là, vers la fin. Ouais, ben, c'est clair, là. C'est, ouais, c'est ça. C'est bien designé, là. Je veux dire, il n'y a pas de skills qui servent à rien, là. Non, c'est ça. Ben. Ouais, mais dans le 2 plus, mais dans le premier un peu moins. Fait que c'est ça. Puis c'est un jeu dans lequel faut être patient. Tu sais, les boss sont rushants parce que les boss ils ont chacun 3 phases, ils ont 3 barres de vie en bas. Puis au début, leur troisième barre de vie, ils font tout le temps leur grosse attaque. Puis toi aussi, t'as des grosses attaques de même. Ouais. Ça, c'est trippant. Enfin, c'est avec ton autre analogue, tu peux launcher des grosses attaques ou du heal ou des affaires. Quand tu pèses là-dessus ou quand le boss le fait. L'écran, tu sais, c'est comme la face du personnage qui apparaît, là, ça dit quelque chose en japonais. Tout pète. C'est très badass. Très badass. C'est tellement satisfaisant de voir ça. Ah ouais, non, sérieux, s'il y a quelque chose que ce jeu-là donne, là, c'est la fluidité, du badassery, là, puis la vitesse, puis du crisp, là, tu sais, ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est qui a créé ça, ce jeu-là? C'est-tu les... Ben, ça vient-tu? Indie Creates, qui l'ont développé, puis à la base, je pense que c'est les gens... C'est la même équipe qui ont fait Mighty Number 9. Ouais, c'est ça parce que c'est ça, le jeu que je parlais tantôt, c'était ça. C'était comme un spin-off de Azure et Mighty. Ouais, parce qu'ils ont fait des versions 8-bits de ça qui sont Mighty Gun Vault et puis Mighty Gun Vault 2 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas. Puis ils sont vraiment le fun. Ça, c'est comme des Mega Man 8-bits. Dans le fond, ils suivent vraiment la game. Puis le premier Mighty, il est le fun, mais il est très très très cool. Ouais. C'est vrai, parce que le premier Mighty, c'était un peu comme pour Bloodstained, c'était un Kickstarter. Ouais, c'est ça. C'était juste goal. Un stretch goal, puis là, le monde a trouvé ça malade, meilleur que jeu. Mighty Gunvolt? Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. Gunvolt, c'était un jeu de Kickstarter? Gunvolt était un jeu à part entière avant ça. Mais Mighty était un Kickstarter. Puis Mighty, c'était juste sur Kickstarter. Disait si on se rend là, ben là on va faire une version 8-bit de Mighty Number 9. Ce qui était spécial. Ça, c'est devenu Mighty Number 9. Ah, ok. Ouais. Non, mais moi quand je dis Mighty, c'est Mighty Gun Vault. C'est un jeu. Mais Beck, il est dedans. C'est ça, c'est Beck ça, est fin. Dedans, c'est ouais, pas ouais, ça. C'est ça. Mais c'était comme un spin-off de Mighty No. 9. Là, Beck, c'est pas le chanteur qu'on parle. Non, c'est le personnage de Mighty No. 9 que tout le monde a oublié déjà. Ça l'a dit, ouais. Il est dans Mighty Gunvolt 2, Beck encore. Et puis, d'après les trailers que j'ai vus, le jeu a l'air très, très complet. Puis, ben, c'est, si tu veux voir Beck badass, là, c'est pas mal la seule place. Ouais, là, c'est pas mal là. Puis, je vais juste parler vite de Striker 2, dans le fond. Dans le 1, il y a un personnage qui s'appelle Copen. Puis lui, c'est un humain. Tu sais, c'est tout du monde avec des skills, ça, semi-mutant, là, qu'on pourrait dire. Ouais. Mais dont toi, tu sais. Mais lui, il est humain. Puis lui, il haït tout ce monde-là. T'sais. Lui, pour lui, c'est de la merde. C'est un peu comme un... Il croit en Dieu, tout ça, c'est très paladin. Cave, c'est très non mais c'est très paladin là, genre. C'est un Américain. Il est tout en blanc, tu sais, puis mais il est cool pour ça, tu sais. Fait que là tu le bats, mais tu le tues pas, puis ok, bye, fuck you, tu t'en vas. Mais dans le 2, la façon que le jeu est construit, c'est que tu fais la moitié du jeu avec Gunvolt, puis la moitié du jeu avec Copen. Okay. Puis Copen, il y a tout un système, tu sais, différent de Gunvolt, mais quand même cool. Puis lui, son système principal, c'est de dasher. Il tag pas avec son gun, il tag en dashant dans le monde. Okay. Il dash dans tous les sens, fait que tag, tag, tag, tag, tag. Puis là, il launch son attaque, puis trrr, ça fait c'est hot, ça. Moi, c'est tellement hot, là. La mécanique était la plus hot dans Mega Man X, c'était le dash, puis c'est comme ce qui rend toutes les platformers vraiment comme une coche plus forte. Ouais. Mighty No. 9 avait cette chose-là qui était quand même cool, c'était que le dash, tu t'en servais dans le combat. C'était pas super bien exécuté, puis honnêtement, les niveaux s'y prêtaient pas assez pour que ça soit cool. Ouais. Exact. Mais Azure Striker, Gunvolt, tu sais, puis tout ça, c'est vraiment l'exécution de qu'est-ce qu'il voulait faire, mais en qui marche. Il y a 20XX aussi qui sort dans pas long, qui a l'air de reprendre toutes ces mécaniques-là à merveille. Là. Ah ouais? On dirait que c'est le Mega Man X que t'aimerais avoir là, mais qui sort pas. Pis ça a l'air vraiment bon. Checkez ça, c'est 20XX, 20XX. Ça va sortir sur... Il me semble qu'il est déjà sorti sur PC, puis là ça va sortir sur Switch, PS4, One, Titanfall 1. Je connais pas, mais c'était écoute, moi je pensais que le Mega Man X qu'on était supposé d'avoir, c'était 8 Core. Ouais. 8 Core, j'aime toujours dire que c'est le Mega Man X en 3D qu'on aura jamais. Mais bon, écoute... Fait que moi, je vous dis, essayez ça, sérieux, c'est vraiment trippant. Puis, mettons, pour le premier, tu penses avoir fini le jeu, là, t'as comme une fin, t'es comme... Ouais. C'est pas correct, là, il y a de quoi, là, tu sais. Puis là, tu te rends compte, faut que tu refasses tous les niveaux pour aller chercher un jewel dans chaque niveau. Avec ce jewel-là, ta copine dans le jeu te fabrique un pendentif qui va te protéger à la fin pour, tu sais, comme... C'est là que tu vas avoir la vraie fin, ça c'est cool. Puis dans le 2, faut que tu refasses les fins deux fois avec chacun des deux personnages parce qu'ils saillissent quand même, ces deux personnages-là. Fait qu'à la fin, ils clashent ensemble, ils veulent s'entretuer. Là. Fait que c'est beau, tu sais, c'est plus deep là, que juste genre faire le jeu. Par contre, si je peux reprocher de quoi aux deux, c'est que j'ai fait aucun upgrade, fuck all, j'ai juste fait le jeu. Je l'ai peut-être mal consommé, tu sais, je venais de finir le premier, je me suis dit, je vais finir le deuxième, ça va être fait, au lieu de le faire, tu sais, tranquille, en me disant que c'est ça que je vais faire. Donc, peut-être que j'ai mal consommé pour ça, puis je l'ai pas assez exploré, mais j'ai trouvé le premier plus, je sais pas, plus complet et tout, mais Copen dans le 2, il est très, très, très badass. Okay. Donc, pour l'ensemble de l'œuvre de Azure Striker Gunvolt, je donne un beau 9, là, bien tassé, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Si vous voulez du Mega Man X-like, là, pis que ça, les histoires de manga japonais qui jasent vous dérangent pas trop. Les japonaiseries que j'appelle. Mais c'est quand même bon, tu sais. C'est, carré, c'est non, très non. tolérable. C'est là, bon, c'est intense. C'est bien scripté, là, tu sais. C'est bien correct, là. Fait que, surtout sur Switch, là, c'est un petit beau pack. Mais ça va être un petit peu flou parce que cher, c'est dédié à la 3DS, tu sais. Fait que, ouais. C'est flou un peu sur ta pour Switch. Ouais. Je pensais qu'il aurait fait un. Non, ils l'ont comme pas upscalé, genre. Mais, tu sais, comme sur le coup. C'est comme, puis très vite, tu es encore à liste. T'as-tu joué en portable sur ta TV? Portable, mon gars, toujours. Oh my god, on a de la bière! La bière! La bière, c'est laquelle que vous voulez? Caroline, alors Fanny de La vie secrète des geekettes, un autre excellent podcast. Ouais, excuse-moi, on voit juste le bas, on voit juste ta bière puis tes cuisses. On voit le principal, on voit pas la face. On va encore se faire flaguer comme vous savez. Moi, je suis correct, il me reste tout ça encore. Écoute, moi, il m'en reste plus. Qu'est-ce que tu nous suggères, c'est Dominique? Très bon. Ben ici, on a une saison brette. C'est un petit peu piquant et puis très floral. Ça, c'est une pilsner. C'est comme une labatte bleue. C'est très, très, très de luxe. C'est très croquant. J'ai pas goûté celle-là, mais moi, les pils, c'est genre mon troisième. Moi, mes styles, c'est tout ce qui va IPA. Ensuite, j'aime bien les saisons et les pills. Ouais. Ceux qui n'auraient pas compris à soir, c'est aussi un petit spécial bière où est-ce qu'on se met chaud. Exact. Ça aussi, c'est une genre de pills, mais un petit peu plus lager, un petit peu plus... Mais je peux pas la décrire vraiment, la Maelstrom mauve. Je ne l'ai pas essayé assez souvent. Mais tout ça, c'est des bières blondes. Là. Écoute, moi, honnêtement, la Mandrill me parle beaucoup parce que ça me rappelle justement Spark Mandrill de Mega Man X. Exact. Il y a fun fact, oui. La Mandrill ici est un produit de ma brasserie. Et puis la saison que je suis en train de boire, la saison d'Épautre, est une collaboration avec Vice Versa et ma brasserie. Ma brasserie est sur la rue Holt à Montréal. Excellent brasseur, qui sont également propriétaires du Pop Brouhaha, lieu de podcasting par excellence. Donc, c'est des excellents produits. On salue l'initiative de ces gens. Ben oui. Et on tient à dire qu'on n'est pas commandité par eux, mais qu'on serait très, très, très content de l'être. Donc, on est toujours ouvert à une commandite d'alcool. Merci Fanny, c'est bien gentil. C'est comme si t'avais un don secret de... De savoir quand est-ce que la soif se présente. Ben oui. Parenthèse pour toi, plug-toi maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec les geekettes? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Au geekettes, on a sorti un nouvel épisode que vous pouvez aller télécharger après avoir écouté celui de Rétro Nouveau. Évidemment. Après, évidemment, ben oui. Puis, ben c'est ça, il y en a un autre qui s'en vient prochainement aussi. On est rendu à notre 45e épisode au geekettes. Ben, c'est bien ça, c'est quand même. Ouais. L'année complète. Une fois, un épisode par semaine, on peut finir l'année au complet. C'est bon, ça. La dernière fois, en plus, tu parlais de Jurassic World, de Fallen Kingdom, qu'on est allé voir au cinéma ensemble et qu'on s'est tapé la tête beaucoup aussi. Ouais. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Donc, La vie secrète des kits. Merci, Fanny. Et c'est gentil. Merci. Ça fait plaisir. De m'apporter de la bière. Moi, je pensais que j'apportais juste une bière, mais finalement, j'ai laissé les trois sur la table. Ben, écoute, je veux pas te faire travailler, mais je pense qu'on aurait besoin d'un débouché. Ben, débouché un verre, peut-être. Ah ouais, ça va être top. Moi, je fais pas trop de voyagement. Ouais, non, mais c'est pour qu'on maximise. Juste un débouche pour celle-là, tantôt. J'en ai tout un en plus. Ah, ben, c'est bien, ça. Écoute... Je sais pas, je pense. On va pas finir ça sur le fort, je pense, par exemple. Non, mais... ben ça dépend, ça dépend. Ben, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Ça dépend, moi, j'ai On est dans Schlaga après tout. C'est ça. En Rome, on fait comme les Romains, en Schlag, on fait comme les Oschlagiens. Bon, hey, écoute, sur ces belles paroles de bière, de commandite et d'autres podcasts au féminin. J'ai une autre critique. T'as une autre critique, cette fois-ci rétro, parce que moi, à soir. Je tiens à dire, si j'ai pas de critique, c'est de la faute à God of War sur PS4. On va en reparler tout à l'heure, mais honnêtement, ça me bouffe tout mon temps de gaming. Tout ce que j'ai touché en mode rétro cette semaine, on dirait que ça m'a pas assez satisfait. Ça m'a forcé à retourner jouer à God of War sur PS4. Calisse, ça me fait bander ce jeu-là. C'est je vais dire. Les choses sont dites. Là, les si jamais il y a un problème dans la couchette, God of God War. Amène-moi Kratos, là, je vais comme... Boy! D'ailleurs, en tout cas, on en parlera plus tard. Mais bon, bref, Bruno, fait que tu prends la relève de rétro cette semaine. Oui, puis je vais parler d'un jeu qui est tout aussi facile à expliquer sans images. Un jeu de puzzle, encore. Fait que je me rends compte ce soir que j'ai vraiment mal choisi mon enfant. T'es comme en mode vacances cette semaine. Ouais, c'est ça. Les jeux c'est ce que tu jouais. Pas le choix. C'est ça, la vie de plaisant. La plaisancière, mais non, c'est Colin, ça. Hein, Pokémon Puzzle Challenge, c'est un jeu qui est sorti sur la Game Boy Color. Oh, un hostie gros débouche de crevisse. Ah ouais, ça c'est la belle famille qui fait des cadeaux là. C'est beau. T'es genre hostie, mon beau frigo en acier design là. Ah ben, tu mets ça dans le tiroir. Tu le trouves très rapidement. Fait que Pokémon Puzzle Challenge, si vous aimez les Pokémon, vous aimez les jeux de puzzle, clac, un gros clash entre les deux. C'est un peu le quelle console? C'est sur Game Boy Color. Ah oui. C'est un jeu Puzzle League donc... du Nintendo 64, mais sur Game Boy Color. Ça ressemble pas mal. 64, c'est comme la suite. Ouais. Le premier était sur Game Boy Color. T'es-tu sérieux? Je niaise pas. Puis celui-là au 64, honnêtement, solide jeu de Nintendo 64. Ah ouais, très. C'était bon. Tetris Attack dans le fond, mais ouais, avec un skin. À 4. C'est pas mal ça, ouais. Puis dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que à l'écran, c'est encore des petits cubes, mais ces petits cubes-là vont arriver. Ils vont arriver comment? Donc, ils arrivent-tu en deux? Oui, ils arrivent en fait. Ils arrivent à 2, à 4 en bloc et tout ça, mais toi, en fait, il faut que tu les swaps. Donc, tu as des petits carrés un peu partout, puis ces carrés-là sont de 4 formes qui rappellent les cartes un peu. Tu as un cœur, une étoile, un triangle par en haut, un triangle par en bas, ce genre de forme-là, puis tu as des couleurs aussi. Puis dans le fond, toi, tu as comme deux espèces de petits curseurs, un à côté de l'autre, à l'horizontale. Puis tout ce que tu peux faire, en fait, c'est swapper des affaires qui sont tombées. Exact. Fait que toi, tu vas swapper les affaires pour faire des suites logiques de 4, 5, 6, des fois 7 même. Puis c'est ça, en fait, faut que tu fasses une rangée de 4. C'est une rangée de 4 ou une rangée de 3? Non, c'est une rangée de 4. Fait que faut que tu fasses une rangée de 4, soit à la verticale ou à l'horizontale. La twist là-dedans, c'est que tu vas avoir aussi des trucs qui vont descendre sur l'écran, des espèces de grosses briques qui vont tomber. Puis ça, il faut que tu l'élimines en détruisant quelque chose qui est prêt, qui touche à cette structure-là. Puis la twist Pokémon, en fait, c'est que on met ça à la saveur Pokémon que tu es un trainer, puis toi, tu vas amener tes petits Pokémon, puis tu vas justement utiliser un de ces Pokémon-là pour pouvoir faire ton combat contre un autre Pokémon. Puis tu vas avancer dans les niveaux comme ça, il y a comme une espèce de mode histoire qui... Tu sais, l'histoire, on s'en sac un peu, c'est vraiment des niveaux de puzzle un à la suite de l'autre. Je vais juste arrêter deux secondes, parce qu'il Eric a un bon point, c'est que dans le fond, le niveau, il pousse de par le bas. C'est ça. Puis les blocs de briques te tombent par-dessus. Exact. On blâme ça sur l'alcool. Oui. Mais oui. Désolé. Fait que... C'est ça, fait que finalement, avec tout ça aussi, ouais, c'est vrai, tu peux faire monter ton niveau, donc tu peux faire monter le niveau un peu plus vite en pesant sur B parce que tu es sur Game Boy. Puis c'est ça, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a énormément de stock à faire. Tu sais, tu as beaucoup de Pokémon à débarrer, puis toute la façon de les débarrer, évidemment, c'était les années 80, donc il n'y avait pas beaucoup de il n'y avait pas beaucoup de façons de décourager un gamin. Fait que les façons de débarrer tes bonhommes sont quand même assez complexes. Des fois, c'est genre, va-t'en en versus niveau 3, puis arrange-toi pour tout le temps utiliser la même couleur ou ce genre d'affaires-là. Fait que t'as des défis vraiment pointus. Fait que je te conseille fortement d'aller voir des walkthroughs, des trucs comme ça, parce que c'est assez compliqué ou, de trouver ça. Ou tomber dessus par hasard. Ou de t'abonner à Nintendo Power comme l'objectif de l'époque. Exact. Nintendo Online. Nintendo Hotline. C'est ça, appeler la ligne. Puis, ben c'est ça, bref, ce jeu-là est le fun. La musique est super le fun. Les personnages, toutes les choses à débarrer, c'est vraiment cool. C'est un jeu qui est assez rapide à prendre en main, puis c'est assez rapide à comprendre, mais il y a beaucoup de techniques. Tu sais, tu peux éliminer une ligne, puis en laisser une autre en haut, puis finalement éliminer en dessous, puis l'autre va tomber, puis ça va faire une succession de je sais pas comment ça s'appelle, des Pokémon Puzzle Challenge. Puis, une affaire qui me rappelle ce jeu-là, c'est Puyo Puyo. Il y a quelque chose un peu de Puyo Puyo là-dedans où tu vas faire des suites logiques, puis tu vas faire cause à effet, où tu vas détruire certains, puis les autres vont se détruire. Bref, super le fun, puis en plus de ça, il y a un save state sur ce jeu-là, ce qui n'est pas négligeable. Donc, si tu joues comme moi dans le métro, ou tu joues n'importe où, puis tu te dis « fuck, je veux pas fermer ça, je t'ai rendu super loin », ben tu peux sauver. Tu shut down, puis toute ta partie est sauvée, tu vas revenir dedans, tu vas pouvoir continuer ça, là, ta grande partie. Ça, là. C'est pas du luxe. Hey, ça, c'est Game Boy. Ça, là, c'est un vrai. Ça, c'est vrai. Là. Ça, c'est ouais, le fun. C'est le fun en maudit. Fait que c'est ça. Fait que that's it. Ce soir, on n'a pas de feuilles, de notes, ni tout ça. Fait que moi, je vais y donner un excellent 7.5 sur 10. Ah, faites ça avec vos mains. 7. On dirait qu'il y a un gang 5, là. C'est genre un Dash Lag, là, ici, c'est dangereux de faire de ça. C'est compliqué. Fait que c'est super bon, mais ça aurait été le fun que les façons de débarrer les choses soient quand même un petit peu plus logiques. Il n'y a pas grand logique là-dedans, puis je comprends pas pourquoi. Fait que c'est ça. Ça vaut cher ce cassette-là. Ça vaut 10-15$. En tout cas, les gens de qualité de quelques rétro MTL le vendent à ce prix-là. Mais non, mais honnêtement, c'est un très bon jeu. Et d'ailleurs, comme tu cherchais dans tout, ça ressemblait à Puyo Puyo, mais c'est surtout, c'est vraiment un dérivé de Tetris Attack. Tetris Attack, c'est écœurant. As fuck, là. Au début, c'était genre Yoshi puis Mario. Puis là, maintenant, c'est devenu Pokémon. Puis là, plus tard, ce qui est ressorti, en tout cas, c'est retourné à Puyo Puyo. Mais très bon. D'ailleurs, il y a ce qui me demande si on a un PUBG comme pour garçon ou un PUBG. Je tiens à spécifier que c'est un excellent gag et pour tous ces efforts, tu te mérites une casquette. J'imagine. Arcane Montréal, la prochaine fois que tu viens, on te donne une casquette. That's it. Mais yeah, écoute, sur c'est ça, on est rendu là. Une petite discussion, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une discussion sur un sujet, puis comme c'est le dernier épisode avant les vacances. Ah ouais, là c'est là vrai. Qu'on dit là, les affaires. Là. Qui se passe pour les vacances. Les vraies affaires. Pour les vacances, parce que écoutez les boys, quels sont vos plans de gaming pour les vacances à ces portes qui s'approchent? Mais moi je voulais parler de des affaires autres que ça. Est-ce que c'est dans ce segment-là? Est-ce que tu veux parler de l'or gris? Ben, je voulais parler de la télévision et de l'Université de Montréal. On en parlera tout après, ça. Si de toute façon, la pause dure 0 minutes. C'est ça, on peut parler de ce qu'on veut pour vrai. Écoute, right. Ça, c'est fort. Vraiment écrit ça sur le line-up. Pause... On a zéro minute. Du laser a été gaspillé chez Ubisoft. Mais l'idée était de ne pas détruire le document de GF. Mais ça, c'est vrai. Ça. Ouais, bravo. Mais oui, on en parlera après de ce que tu voulais parler. C'est correct. C'est correct. Mais avant, parlons de nos plans gaming pour les vacances. Parce que là, attends. Tu prends laquelle? Tu prends celle-là ou l'autre? Moi, je suis en train de boire ça ici. Fait que je te laisse décider, Bruno. Ça, la Pilsner me tente beaucoup parce que c'est 14. Elle est moins forte, 4.8. Je vais prendre celle-là, j'ai mon char. Si jamais t'en bois pas toutes, je vais t'aider. Les Pils, là. Les Pils, la crevisse, il est là. Tiens, t'as marre. Merci. Ah, fait que nos plans gaming pour l'été. Hey, moi, j'ai pas beaucoup parlé à la date, fait que... C'est vrai! Je vais prendre un peu le microphone, parce que... T'as pas fait de critiques, moi, j'ai pas fait de critiques, parce que je suis en train toujours de jouer à God of War. Parce que, sacrement, j'ai reçu God of War à ma fête. Ouais. Et quel beau cadeau. Très beau cadeau. Honnêtement, je suis content que ma copine m'ait donné ça, parce que, tu sais, tu dis toujours... Payer 90$ pour un jeu, t'as envie que ça vaille la peine. Puis là-dedans, tous ces dollars-là se voient très, très, très, très bien. Ouais. Alors, comme Bruno a parlé la dernière fois, je pense que Bruno, dans ta critique, t'avais peut-être effleuré légèrement le fait que le jeu est fucking overwhelming, dans le sens qu'il est immense, ce petit jeu-là. Ouais. Moi, à toutes les fois que j'avance dans ce jeu-là, je développe de l'angoisse, puis je regarde ça, puis je me dis, je le finirai jamais. Non, c'est ça. Je veux le finir, je donne tout mon amour, tout mon temps que j'ai. Puis à toutes les fois que j'avance, puis que je pense que je suis comme en contrôle, c'est comme, non, il y a un petit peu. Non, c'est ça, il y a tout le temps quelque chose de plus. Il y a du contenu. C'est vraiment excellent. Moi, je suis un vieux fan. En plus, tout est difficile. Moi, je suis un hypeable. Moi, j'aime pas le hype, j'aime le fait. Parce que même là, quand il y avait eu God of War, t'as fait comme, je me souviens, il y avait eu, c'est l'épisode du 3. Oui, ben je suis retourné écouter. L'année dernière, il y avait rien. Puis là, t'écoutes, tu fais comme, ils ont montré les affaires, mais, Je me rappelle. T'étais pas hypé, pas en tout. Mais moi, j'ai dit, je suis unhypable, mais moi, je vis dans le conqueret. Le conqueret. C'est le même qu'on fait des jeux. Mais exactement, c'est le même que moi, je joue des jeux. Moi, j'aime les jeux que je joue et non pas les jeux que j'espère jouer. Bref, tout ça bien pour dit. Dire, moi aussi, je m'attendais tellement à de la merde de jeu, là, honnêtement. La merde. Parce que, sauf que tu vas un peu fort, là. Ouais. Non, mais je veux dire, ce qu'on avait vu à l'E3, le jeu était pas jouable l'année passée. Ouais. C'était bien closed door. Toi, t'aimes pas ça quand c'est pas jouable. Mais non, moi, je veux voir du vrai. T'sais, moi, je veux un jeu. Je veux savoir à quoi je vais jouer. Moi, là, un des trailers qui m'avait fait le plus capoter, c'était Titanfall. Titanfall, là, le trailer parfait. Ouais. T'avais des genres. T'avais comme Call of Duty qui courait ses murs, qui se tirait d'en face. Puis là, il y a un gars qui collait un robot qui tombait du ciel. J'étais comme. Moi, j'ai piché mon wallet sur mon écran. J'étais comme, prenez mon argent, là, c'est à vous autres. Ça, pour moi, c'est comme. C'est ça. Ça, je regarde ça, puis je comprends c'est quoi. God of War, je voyais des émotions, Kratos et tout. Puis j'étais comme, ça manque un peu de virilité. Ça manque un peu de God of War. Mais... C'était ça l'affaire. C'est un gros pari ce jeu-là. Exactement. Puis à tous ceux qui sont des fans de God of War et qui s'imaginent que c'est un reboot, au risque de spoiler quelque chose, et je ne spoilerai rien, mais je vais juste dire que c'est une suite. Ce n'est pas un reboot. C'est Kratos qui est là. Puis c'est ce qui devient vraiment extraordinaire. Bruno, je te ne spoilerai pas rien, mais je te dirais qu'il y a un moment dans le jeu que j'ai eu des teases que je me suis dit, j'espère que ce jeu-là va aller là, puis je me suis dit, ah non, ça va être compliqué, puis tabarnak, on est allé, puis j'étais tellement heureux, j'étais sur le bout de mon siège, j'étais comme, man, astic, c'est hot des jeux qui te, tu penses que t'as vu le tour, puis là, c'est la porte à saut encore plus grande, puis t'es comme, tabarnak, je le finirai jamais, il y a trop d'affaires! Mais c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est un jeu qui supposément a pris beaucoup plus de temps qu'on le croit à développer. Ben d'ailleurs, allez voir, j'en ai parlé durant ma critique, mais allez voir toutes les interviews et les conversations avec Corey Barlog avant que le jeu sorte. C'est fou, ce gars-là, on dirait que sa tête était à prix, là. Ah non, on dirait vraiment que tu sais lui il avait la tête sur la bûche tout le long du projet puis qu'il était à, il était si contre Mars et Marée. Mais écoute ça a l'air d'avoir été vraiment difficile le développement de ce jeu là. Ah non, lui il était il avait les cheveux noirs aujourd'hui. C'est pas c'est dur de faire des jeux, puisque moi tu sais j'en fais des jeux pour vivre là, je le sais un peu c'est quoi la complexité, puis quand je vois tout ça, la qualité qui est là, je suis content. Ça, c'est vraiment... Ça a dû coûter la peau du cul. C'est surtout quand tu te dis, tu sais, hey, on a une formule qui marche, là, ça marche en crise. On refait tout! Ah, c'est ça! Tu sais, ça, là, de faire ça, tout le temps... Tu vas voir. Oui, non, je sais, puis même, je veux dire, même en jouant, moi, je trouve que c'est sur 100... toutes les affaires que t'aimes de God of War dans ce jeu-là, c'est juste que la caméra est à une place différente, puis tu sais, la façon dont tu te bats, puis tout ça, c'est quand même pas mal God of War, puis tu sais, les combats sont aussi brutaux qu'avant, puis il est aussi fâché qu'avant, tu sais. Même mais plus il est retenu, fâché. C'est ça qui est cool. Mais il est retenu, puis tu sais, c'est juste que là, tu te sens mal souvent à cause de son kid. Quand t'as un enfant, puis tu joues à God of War, t'es juste misérable souvent parce que c'est comme est-ce qu'il est pas fin que son gars ça a pas non, bon sens, il ça, est vraiment quoi. Très refoulé en dedans, il se retient, il est dur, il y a des raisons, tu sais, il veut pas genre exposer à son kid c'est qui puis tout ça, puis genre il y a des malaises, c'est palpable, c'est une relation vraiment deep qui s'installe, genre à un moment du jeu il arrive des choses, pour venir le kid commence à te répondre vraiment comme bête, tu vois qu'il est malheureux, t'es comme, tu te sens comme de la merde, même le kid est comme sarcastique. Non, moi je pense qu'à quelque part, Kratos fait ce qu'il a à faire, comme il dit, Kratos, il essaie de y enlever le fardeau, parce que tu sais, Kratos, c'est le God of War, quand même. Puis tu sais, forcément, si t'es le fils du God of War, tu viens avec un certain fardeau, toi aussi. Ah oui, imagine que demain matin, ton père, là, Fernand, là, il t'annonce, là, écoute, j'étais pas au poste pendant 40 ans, je suis le dieu de la guerre. Mais il y a une petite passée incroyable, tu sais, c'est la même affaire, là. Ah oui, quelqu'un qui me demandait d'ailleurs, gros, là. Tu sais, c'est Kratos, là, je veux dire, tu fourres-tu des filles ouais, en ouais, et tout, c'est ouais. Ben non, Chris, t'es avec ton gars, tu prends t'es avec ton deuil, gars. T'es en deuil, en plus. T'es en deuil, tu prends avec ton gars, c'est comme, t'as peu une minute, toi. Ah ben, ça te prend un rebound, esti. Un rebound dans le bois. Le père de l'année, il est pas dans la boisson, puis il est pas en train de courir les Jedi. Non. Il est là pour faire la job. Bref. Ben, il y a une chance, à un moment donné, pendant la non, je écoute. Je pensais qu'il irait là, écoute, un moment donné. Moi, je pense que, tu vois, ils vont ailleurs avec ça, tu vas comprendre. Ouais, quand tu vas avancer plus loin. Mais bref, oui, moi, c'est je pense que, honnêtement, à date, je regarde toute la quantité de gameplay qu'il y a dans ce jeu-là, puis j'ai l'impression que ça va être comme ma viande de l'été. Là. Ça, là, dans mes vacances, je vais être obligé d'amener ma PS4 au chalet, puis Obligé. Je vais être obligé de faire ça, tu sais. Puis toi, mon beau Dominique, qu'est-ce que t'as ramassé? Aujourd'hui, j'ai ramassé avec toi un beau meuble de télévision de 5$ au bazar de l'église. D'ailleurs, faut préciser que la fourchette de prix de ce bazar-là est assez spectaculaire. C'est comme 10$, 5$, 5$, 20$, hop, ça c'est 5$. C'est pas la grosseur du meuble, c'est pas la couleur. Mais je pense que c'est la mode Ouais, tu sais, comme ce que j'ai acheté, c'est un meuble en mélamine gris. Okay. Mélamine grise, dans le fond, très années 90. Ah là. Ouais. Mais, puis, sinon, je visais un autre petit meuble, genre Ikea, là, Walmart, de couleur ouais, beige. Tu sais, qui peut peut-être encore fitter à certaines places ouais. dans des foyers d'aujourd'hui, mais ce que j'ai acheté, non, c'est vraiment laid, là. C'est passé de mode. Fait que là, il me le faisait à 5$. Cependant, ce que j'ai réalisé en ramenant cette abomination-là chez nous, c'est que ma télé rétro cathodique que j'utilise, c'est une 20 pouces. Toshiba ouais, flat screen CRT puis le meuble est un meuble Toshiba gris de même couleur. Fait que je pense que ma télé était faite pour aller là-dessus. Man. Là je capote, j'ai pas eu le temps de toucher à ça encore parce que juste pour faire une histoire vite je viens de déménager, ça fait 2 semaines et puis je peux pas tout brancher là comme avant et dans mon salon là, tu sais. Ma blonde m'octroie la moitié du salon qui comprend aussi mon bureau de travail. Là, je peux faire ce que je veux avec ça. D'ailleurs, je vais retourner chez Arcane Montréal, pogner un gros cadre là, qu'on a enlevé à cause de la machine à popcorn. Je vais mettre ça chez nous. J'ai un petit meuble Nintendo, tu sais, avec le sticker là, ouais, cheapo. World of là. Nintendo. Ah non, non, non, les petits meubles ouais. roulette cheap. Ok. Là. Que t'avais trouvé d'ailleurs dans un bazar. Exactement. Fait que, ouais, fait que je vais ramener ça aussi. Je vais me faire un petit. Je vais me faire un petit setup parce que pour RDS, je veux faire du streaming puis des affaires. Puis je veux un petit décor, commencer à faire de la vidéo. Fait que ça va être ça, mon armoire Nintendo, je l'ai stacké au plus possible, puis le reste, j'ai pas le choix de mettre ça dans la cave. Fait que je vais avoir genre deux ma console ou trois à la fois. Fait que, puis j'ai tout identifié dans des bacs. Fait que comme ouais. ça, c'est pas si compliqué de changer de console, là. Mais je serai pas encore dans ma game room officielle à moi, mon espace, là, pour bander à longueur de journée. avant au moins un an encore, parce que là, je vais faire excaver mon sous-sol. Puis cette semaine, je rencontre genre 5 là, compagnies les qui font excavateurs. Ça. Ouais, mais je me suis rendu compte que c'est pas mal plus compliqué que ça. Okay. Ça te prend un plan d'ingénieur, ça te prend des gars d'excavation, ça te prend des gars de sous-œuvre, si, ça te prend la plomberie, ouais, l'électricité, puis tout le monde dépend de tout le monde. Puis là, en haut, on veut refaire le rez-de-chaussée pas mal aussi, refaire les divisions, défoncer, tout ça, une salle d'eau, une salle de bain. Mais tout ça dépend d'où est-ce que ton drain arrive dans le cache. Shit. Fait que là, c'est une grosse bébite, puis je sais pas trop comment l'attaquer encore. Fait que, en tout cas, je vais checker ça comme il faut. Mais j'ai besoin présentement de me bâtir un plan, mais j'ai surtout besoin de me faire mon petit espace tranquille. Ouais, un petit safe room. Là. C'est ça. Fait que là, j'ai tout mon nest, tu sais, mon full set nest, il est dans des boîtes, là. Puis il va rester dans des boîtes, mais j'ai tout empilé les boîtes, je sais, il est là-dedans. Fait que là, j'ai supposé avoir des upgrades de cassettes. Fait que là, je vais refouiller dans mes boîtes, sortir les cassettes, remettre les cassettes. Ah, c'est compliqué, là, l'upgrade de Silver Surfer. Là. Ouais, c'est ça. Un mois plus tard. Hey, j'ai trouvé le Silver Surfer. J'ai trouvé. Ben là, j'ai acheté 3 beaux Mega Man 4, 5, 6 complets dans la boîte, vraiment clean. Puis là, les cassettes sont parfaites. Fait que je veux que je retrouve mes autres, les déter. Mais c'est correct, tu sais. Moi, j'aime ça gosser là-dedans. Fait que, au point de vue gaming, sérieux. Pendant mes vacances, je tombe en vacances cette semaine, vendredi. Mon intention est de brancher ma télé sur ce vieux meuble de Chris ouais. là que j'ai acheté. Avec NES, Super NES et Wii. C'est quelle grandeur là? Wii pour... ça fait la largeur de la télé. Là. Mm. C'est à peu près ça de haut. Fait que la TV, c'est une quoi? C'est une 20 pouces? 20 pouces, okay. À peu près. Fait que NES, Super NES, parce que c'est mon console préféré. Puis là, je vais brancher la Wii pour mon gars parce qu'il veut jouer et tout ça. Puis j'ai quand même ramassé une couple de jeux Wii. Sinon, ça va être encore une fois de battre mon backlog de Switch. Puis ouais. à chaque fois que je vais au Vidéotron, dont celui sur ma son à côté de chez nous. Sympathique Vidéotron quand même. Très, très le fun Vidéotron, effectivement. Proprio, avec je sais pas s'il nous écoute, mais bien sympathique. Moi, je l'adore. J'y vais ben, souvent. Check. Je vais parler tantôt de l'Université de Montréal. Là, j'ai rencontré le recteur là-bas du département de jeux vidéo. Et puis. Bernard. Ben oui, écrime. Ben il m'a parlé tôt aussi. On en reparlera tout à l'heure. Puis lui, il connaît très bien ce gars-là, justement. Là, t'sais. Fait que c'est ça. Le Vidéotron sur Masson est très cool. Puis il y a du stock. Ben, tu sais, les prix, bon, c'est tel que tel. Là, des fois in, des fois too much. Mais c'est à côté de chez nous. Puis pourquoi je parlais de ça? Parce que tu parlais de ton backlog. Parce que je disais que la Switch, j'ai un backlog. Et puis qu'à chaque fois que je vais là, je vois, mettons. Cinéma ouais, rock, j'ai envie d'acheter ouais, en copie ouais. physique puis de faire, excusez, pour de vrai, pour de bon, une fois pour toutes, là, tu sais. Je vois plein de jeux Switch en physique que j'ai envie d'acheter de ma collection. Puis d'ailleurs, là, je me suis gâté, j'ai acheté Mega Man Legacy Collection 1 et 2. Mm-hmm. Donc là, je veux commencer à faire toutes les Mega Man du premier jusqu'au 11e, 10e sur ma Switch. Fait que ça, c'est un projet. Le 11e s'en vient. Le 11e s'en vient aussi, c'est vrai. Et puis là, je joue à All Boy. All Boy. J'essaie de dire comme il faut. L'enfant. L'enfant chouette. T'as dit ça? Ben, j'avais déjà commencé. J'étais à peu près rendu au même point que quand je l'avais testé avec Eric Hébert à Arcade Montréal. Mais oui, tu sais, je sais que c'est une belle aventure, là, que ça va être trippant. Fait que là, je viens de commencer ça. Fait que ça va être mon prochain projet, là, ce jeu-là. Cool. Quand je rebranche mon NES, ben, je pense que je vais me refaire une petite run de Ninja Gaiden 3, juste pour me le remettre dedans. Juste pour te rappeler. Juste des bons petits jeux, des petits Castlevania, rien que pour, tu sais, un gars, il faut qu'il se garde en shape, là. Pour frapper le punching bag, là, tu sais. Ça va être ça. Puis toi, Bruno? Moi, je commence The Crew 2. En fait, qui est quand même un gros projet. Tu sais, t'as mis ta casquette, tu devrais la mettre de côté pour être plus... Non, vous devez la mettre de même. Ah ouais, ça c'est cool. C'est pas un Godchild. Mais non, c'est ça, fait que je commence The Crew 2. Fait que c'est ça. Ils ont fait un deuxième, là, tu sais. Oui, ils ont fait un deuxième parce que le premier était super bon quand même. Ah, mais t'as critiqué ça chez nous. Je pense qu'on était dans mon salon brun. Ouais, c'est ça. Puis c'était un jeu de char. C'était un jeu de char. Puis le premier, tu sais, moi j'avais quand même aimé ça. Mais tu faisais une erreur, puis t'étais fait. Tu pouvais pas gagner la course jamais. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate, mais sauf que la base, toute l'idée d'avoir un monde, un gros monde ouvert, la variété de chars, toutes les épreuves qu'il y a dedans, c'est vraiment le fun. Puis là, ils ont mis des chars, mais ils ont mis aussi des motos, ils ont mis des avions. Des bateaux. Puis, tu peux switcher en temps réel. Ouais, pour vrai? C'est con. Ouais, je pense que, j'ai vu un gars qui est en avion. Il fallait qu'il finisse sa course, puis c'est comme switcher en bateau parce que le bateau piquait du nez plus vite. Sacrément. Puis là, genre, à la dernière minute, il swap en char de course Formule 1. Puis là, il part et t'es comme... Ça a l'air le fun. Mais moi, c'est ça, j'ai comme un gros crush pour les jeux d'Ubisoft quand même. Tu sais, je trouve que c'est une compagnie qui fait bien ses jeux et tout ça. Puis ça, c'est exactement là, de Crew. Tu sais, quand t'as un jeu... qu'il y a eu un premier jeu comme ça, qu'il y a eu des critiques ouvertes aussi brutales puis honnêtes, ben je me dis que le deuxième, ils vont ranimer le tir, puis Christy, ils vont l'avoir, tu sais. Fait que ce jeu-là, je l'aime, je veux l'aimer. Fait que je veux The Crew 2. Fait que c'est ça, je vais jouer à ça. Je recommence Crash Bandicoot sur la Switch. Man, je vois plein de pauses passer là-dessus. Ouais. Fait que là je fais ça, je l'avais commencé sur PS4. Puis là, je vais le faire sur Switch. Critique à venir sur RDS. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a ça. Y a compétition, ça, man. La compétition. Non, mais tout ça, là, c'est un écosystème. Là, ouais. Puis, en tout cas. Je vais, pour mes prochaines affaires, je veux continuer God of War parce que, comme toi, j'ai pas terminé encore, puis j'ai bien hâte de terminer ce jeu-là. Puis sinon, il y a aussi Onrush, qui est un autre jeu de course qui est sorti. C'est ceux-là qui ont fait MotorStorm. Oui, c'est vrai. Puis eux autres, Christy, j'adorais cette licence-là. Là, Onrush a l'air vraiment malade, sérieusement. Ça a l'air vraiment cool. C'est des bons créateurs, fait que moi ce jeu-là, je veux l'essayer. Puis sinon, ben, je suis dans un méga trip de Game Boy présentement. Fait que je suis tout le temps en train de jouer au Game Boy. J'ai essayé Mr. Nuts dernièrement, c'était pas bon. Au Game Boy? Game Boy Color, pas bon là. Ça, c'était dans le temps qu'il créait des mascottes à tout bout de champ là, pour essayer de matcher Mario. C'est Titus qui fait ça. Ouais, c'est Titus. Titus, on dirait que c'est comme, ils vont se rendre. Non, ils se rendront pas. C'est beau, mais c'est un beau calvaire. C'est ça, tu sais, parce que c'était beau pour la Game Boy Color quand même. Il y a Genius35 qui nous demande, est-ce qu'on joue à Mario Tennis? J'imagine, on parle de la version Mario. Mon gars, il veut jouer à ça. Ouais, exact. Et là, vu qu'on habite à côté d'un club vidéo, puis Bruno, tu vas être fier de moi, on est allé se louer un film. Puis là, on va aller louer. On va aller louer ça. Hey, tu ris, mais le club vidéo est à 30 secondes à pied, OK? Puis louer un film sur Vidéotron, c'est 6,99 pour la version HD. Tu peux payer moins, une pièce de moins pour une version de pauvre. Exact. Puis au club vidéo, C'est 3 piastres de moins. Ouais. Ben, c'est sûr. Puis t'as bien plus de choix parce que sur Vidéotron, il y a fucking rien. Mais je vais te le dire, t'es vraiment bien situé. Parce que toi, au coin de ta rue, t'as le poulet portugais, t'as le magasin de bière, t'as le micro-play, t'as le friperie pas trop loin. Oui, moi, j'ai trouvé des beaux trésors. Je sortirais, je me déplacerais. J'ai même plus besoin de voyager. Tout est là. Mais tout ça pour dire que louer des films comme louer des jeux, je pense que je vais faire ça, Bruno. C'est excellent, man. Moi, ça fait des années que je le dis. Personne m'écoute. Non, mais moi, il y a des vidéos trop partout, pour vrai. Il y en a vraiment beaucoup, des vidéos. Moi, honnêtement, je profite de mon travail dans lequel on a une ludothèque où est-ce qu'on peut louer des jeux. Puis j'achète presque plus de jeux. Des jeux full price à 90$. Tu vois, God of War, j'ai attendu un mois pour le jouer, pour l'avoir en cadeau de fête. Parce que j'étais comme... Et honnêtement, je suis tellement content que, comme je disais tout à l'heure, que ce jeu-là soit aussi gros. Parce que je me dis, crème, il n'y a rien qui me fait plus chier que d'acheter un jeu à 90$ que comme 7 heures plus tard, c'est terminé. Puis merci, bonsoir. Ça revient à 14$ tout ça. C'est pas acceptable dans mon livre à moi. Mais bref, t'es très bien situé, effectivement. C'est une belle occasion que ça... Puis aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait un RPG parce que j'ai eu une fatigue de RPG en 2017. Parle de RPG la pour faire plaisir fatigue. Aux gens. La fameuse grande fatigue là, que secouait le Québec. La grande fatigue. Mais je suis un gros fan de RPG, puis là, j'ai le goût de recommencer, j'ai le goût de me remettre dedans. J'avais commencé justement sur Game Boy, j'ai commencé la version européenne de Final Fantasy Mystic Quest. Sur Game Boy. Game Boy. Voyons donc. Sur Game Boy, il y a Mystic Quest, qui est dans le fond, la version européenne s'appelle Mystic Quest, la version US s'appelle Final Fantasy Adventures. Fait que, dans le fond, ça, c'est, tu sais, Mystic Quest, là, le bonhomme là, qui a comme une épée dessus, super. Toute bleue. Dynamique, là. Toute bleue, là, super hot sur Super Mystic NES. Mystic Quest, là. Mystic Quest. C'est le fun, ce fucking Mystic jeu. Mystic Quest, moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là sur Super NES. Parce que vous êtes niaiseux. Mais je savais pas. Moi non plus, je savais pas qu'il existait. C'est comme du pudding chaud. Ben, t'as le droit d'aimer ça, là. Mais sur Game Boy, j'ai vraiment épaté. Sur Game Boy, je savais pas qu'il existait. Fait que là, j'ai commencé. Puis vu que j'ai un Game Boy qui me permet de jouer à tous les jeux de Game Boy. Ben, là, j'ai pu jouer à la version européenne. Donc là, j'ai comme la vraie version, le vrai shit. J'ai pas la traduction, l'autre version qui est sortie. Ça se pourrait-tu que tu te trompes, puis que comme El Corbeau dit, que tu joues plutôt à Final Fantasy Adventure au ou Game Legend. Boy? Ou Legends. Ben, Legend 1, Legend 2, Legend 3. Si j'avais mon Game Boy, je pourrais te le montrer présentement, mais je suis vraiment dans les ROM. Europe, c'est ça. Et dans les ROM Europe, c'est Mystic Quest. C'est pas Final Fantasy Mystic Quest, c'est Mystic Quest. C'est fort possible qu'en Europe, ça s'appelle Mystic Quest pour des raisons de genre marketer ça par la bande avec la version Super NES. Mais effectivement, au Game Boy, il semble avoir trois versions de Final Fantasy, Legend 1, 2 et Adventure, dont un qui est en fait la version nord-américaine de Secret of Mana, dont je sais plus c'est quoi le nom en japonais. Mais qui était comme le précurseur de la version Super Nintendo, qui était comme le 2, puis après ça, il y a le 3. Ouais, c'est ça. Mais le Game Boy, ils ont fucké le chien, là. Donc, c'est ça. C'est en Europe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, fait que c'est en Europe, ça c'est en euro, tout ça. La pochette est en français. Là. C'est vrai que la signature est exactement la même que sur la pochette de la Super NES. Seiken Densetsu, merci. MI7 Quick Québec. Yes! Vous savez que les services secrets britanniques avaient la bonne réponse à tout ça. Ça a l'air d'être Final Fantasy Adventure. Ouais, c'est vraiment ça. D'après moi, c'est comme je te dis, en Europe, ils ont dû marketer ça avec d'autres. L'industrie du jeu est très bonne pour renommer des jeux pour les faire fitter sur la campagne marketing d'un autre. Même si ça n'a rien à voir, c'est comme, c'est pas grave, mets le même nom, on va crisser ça dans le même pub, dans le magazine. Ah, hey, merci, bonsoir. Mais j'ai commencé ça, c'est le fun, tout le monde meurt. Fait que c'est triste. Ça mais j'ai aimé ça, tout le monde meurt au début. C'est très triste. Mais c'est slow quand même, pis tout ça. Fait que je pense que mon prochain projet RPG, j'en ai deux en parallèle. PS4, m'a pogné le voyons, Colin, Ni no Kuni 2. que je veux essayer depuis la critique de Nicolas qui m'a fait saliver. Comme toutes les critiques de Nicolas, parce que Nicolas, tu sais. T'es un gars qui. T'es un gars qui appelle à la salive. Oui, il titille les papilles. Il titille avec son, justement son français international, là. Il est parfait. D'ailleurs, il est bien habillé. Si, oui, il est bien habillé. Il est beau, il est tout le monde demandait il si. Je le fourrais. Ouais, je pense qu'il est perdu dans le VR. Je le fourrais. Être mal pris, là. Mais... Non, mais être en prison. Ouais. Et mettons, ou mettons, comme Louis C.K. disait, mettons, il est mort dans le champ, là. Ouais. Et personne n'est. Personne, il n'y a personne. Ben, on essaierait peut-être. Fait que. Nick, je sais pas si j'aurais été flatté ou non de pas avoir été choisi comme le gars qui est en prison, ce serait comme. Je me dis, c'est-tu une bonne chose? C'est-tu comme un message qui me bat? En tout cas, je sais pas, mais. C'est cette saison-là qui commence à mettre. C'est ça, ah, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Il est au baseball. Nick, il est au baseball. Là, pour l'été. Et puis, tu sais, il aime ça à balle molle. Fait je le comprends. À un moment donné, il faut qu'on fasse maigrir ça, ce modèle-là. Même si le baseball, tu bois plus de bière quand tu battes des. Ouais, exactement. C'est tout qu'est-ce qu'il faut. Tu bois plus que tu cours. Parce que non, c'est pas avec ça qu'il a retrouvé sa taille de guêpe. Mais, bon, bref. Tout ça pour dire, c'est ça. Ni No Kuni d'un bord, puis de l'autre côté, je vais commencer. Il y a un. Voyons, Colin. Tu prends des vacances, t'as pas un Tales ou un Ease. C'est un Ease ou un Tales qui est sorti sur Ease, Switch. Je pense. C'est un Tales. C'est un Tales qui est sorti sur Switch, il me semble. Mais en tout cas, il y a un Tales ou un Ease qui est sorti sur Switch. Puis je veux y jouer. Oui, mais tu finis jamais de l'avoir. Finalement, il y a une autre affaire que je vais essayer qui sort. Fait que peut-être que je vais tout crisser ça au vidange. Puis faire 20XX, dont j'ai parlé tantôt, qui a l'air fucking malade. Ouais. Mais ça, je pense que c'est tout le monde va jouer. Toi aussi, tu vas jouer à ça tantôt. J'imagine. C'est de la vraie bombe. Sérieux, tu regardes le trailer. Si j'ai fini God of War, je vais jouer, c'est sûr. Il y a deux jeux de Switch, comme on dit, qu'il fallait que j'essaie. C'est Hollow Knight. Mm. Tout le monde capote leur vie. Et puis ouais, le monde Dead Cells. Oui, Dead Cells, ça a l'air écœurant. Mais Hollow Knight, moi, je le regarde, puis il m'attire pas en tout. Il est pas 8, il est 8 bits dans le gameplay, disons. Ouais, si on peut dire. Mais c'est un Metroidvania. Mais il est pas dans le look. Non. Il est fait cartoon. Je trouve qu'il look comme pas mal tous les premiers jeux indie qu'il y a eu sur 360. Ça me. Parenthèse, 20XX, c'est vraiment une référence à Mega Man. Ouais, c'est vrai. Je viens de comprendre 20XX. Le corbeau qui dit déjà Tales of Vesperia, merci. Mais ça, c'est Tales of Vesperia. Je m'excuse, mais c'est sur Xbox One. Ah non, pas un roguelike. Ah, c'est E7 qui est sur Switch. Je t'accueille les roguelikes. Tales of Vesperia, c'est sur Xbox seulement. Ouais. Remaster HD, puis Ease sort sur la Switch, mais il était déjà disponible sur d'autres. De toute façon, j'aime mieux Ease que Tales. Mais ce Ease-là, j'y ai pas touché Ease encore. Sur PS4, il était un. Moi, je le trouvais un peu moche, mais j'imagine que sur Switch, ça va être comme parfait. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que visuellement non plus, c'est pas le jeu qui est le plus top. Ça a l'air d'un jeu de Vita, puis là, ça ressemble sur une console qui va bien rendre juste. Moi, je suis surpris. Mais c'est des bons jeux. Cette série-là, man, elle a un style de bonne run. Oui. Chris, ça date du Master System, ça. Mon gars, là, ça vend tout le temps. Ben avant, sûrement sur PC, là, j'imagine. Même les premiers, t'essayes Ease Origins, tu sais, c'est un Christy de bon jeu, là, puis tu sais, c'est. Tous les jeux de Ease, en fait, sont tous bons. Il y a comme pas de jeu poche dans cette série-là. Bon. Hollow Knight, j'ai trouvé que vite, ça a l'air de Ori au niveau des graphiques. En fait, ouais. Moi, je trouve que ça a plus l'air de. Ça me fait penser à si Braid avait fait un Metroidvania. Ah, oh, Braid, c'est lettre. C'est lettre en tabarnak. J'aime vraiment pas ça. Se dire, c'est le vraiment... look crayon de bois, là. Ouais. Oh, non. Mais Hollow Knight, c'est pas si crayon de bois. Hey. Mais c'est vrai que c'est pas pixel. Mais c'est pas. Mais vous autres, vous chialez qu'il y a trop de pixels. Tout le temps, oh, aujourd'hui, tout est pixel. Ben là, c'est pas pixel. Ouais, c'est ça, non, là, on va chialer pareil. C'est notre droit. Puis là, on dit que Dead Cell, c'est fucking. Ça recommence tout le temps. Lui, là. Le style, là. C'est Dead Cells. C'est tout le temps. Ah, c'est un roguelike. Ah, shit. Puis moi, les roguelikes, là, faut que ça cesse. Ouais. C'est hey, terminé. Faut vraiment j'aille faire. Pipi. Faut... Hey, vas-y. Les roguelikes, là, faut. C'est terminé, man. Cet hostie de mode-là, là. Faut arrêter de faire ça. Trouve autre chose. Faites des jeux straightforward avec des je sais pas quoi. Ben, cessez, là. Un roguelike, c'est bon pour la rejouabilité, mais il faut que ton jeu soit le fun en Chris, premier lieu. Ouais. Puis si non seulement ordinaire... ça, faut que tu puisses builder quelque chose au travers de ton recommençage. Pas tous les jeux sont capables de faire ça. Mais alors là, on a rien qui nous dit que Tales of Vesperity Remaster a été annoncé pour Xbox One, PS4 et Switch plus tard cette année. Alors, c'est possible que tout ça soit vrai. Je dirais, le premier Tales était exclusif sur Xbox 360, fait que c'est probablement ça qui a porté confusion. Donc, peut-être qu'il sort effectivement sur les autres consoles. C'est dur à dire, nous, on se base sur les informations qu'on a vues à l'E3. Personnellement, je suis pas fan de cette série-là, mais... Tant mieux si tout le monde peut y jouer, bâtard, plus de fun. Yes! Sur ça, on va passer, avant de tomber dans les questions du public, je peux-tu parler? Segment nouvelle actualité. Dom, en ce moment, est présentement dans une quête personnelle d'avoir raison et d'aller au bout des choses sur la télévision qui s'en vient. Et Dom, je tiens à préciser, oui? a des contacts directs avec Tommy, comment il s'appelle Tommy? Tommy Tallarico, l'ancien, ben pas l'ancien compositeur, il compose toujours de la musique, mais qui était reconnu du moins pour Virgin et qui a repris le flambeau de l'intellivision. Et Dom, en émettant des réticences, disons. C'était pas méchant, mais c'était comme des doutes sur la véracité. Ben, Dom est tombé directement en contact personnel avec Tommy, qui a décidé de... Il s'est mis à répondre à tout le monde sur Facebook, étrangement. Ben oui, écoute, ce gars-là, il y a ce temps-là à faire. Alors, aujourd'hui, Dom, supposément qu'on a des développements dans le dossier de l'Intellivision. Oui, man. La prochaine Intellivision s'en vient. On sait pas quand. Tu me dirais qu'une météorite arriverait sur la Terre, je serais comme, je pense que j'aurais autant de tristesse. Il y a vraiment de l'argent, hein, Tommy Tallarico, parce ben, que... penses-tu, c'est clair, man. Ça n'a pas de sens. Juste pour parler de Tommy, vite. Tommy Tallarico est un gars qui a fait des soundtracks de jeux vidéo. Il en a fait beaucoup. T'sais, c'est un musicien. Là. Le gars, il est sa coche là-dessus. Ouais. Écrivez personnellement à Michael Larouche si vous voulez un update sur tout ce qu'il a réussi à faire. Ça fait longtemps. Aussi, il a créé le Video Game Live, dans le fond, qui est des séries de concerts, tu sais. Mais c'est très centré sur lui. C'est ça, au départ, c'était pas ça, puis là, c'est de Tommy Tallarico Show. Fait que tu sais, c'est un gars qui ressent des affaires sur lui. Vous l'avez vu à G4 TV aussi pendant au moins 10 ans. Avec Lucas. Ouais, avec Victor Lucas. À G4. À G4, Reviews on the Run, EP Daily, CTV. Tout ça. Puis il a fini par quitter, c'est ça. Tommy, c'est pas un tout nu. Non. Mais Tommy est très verbal, il est très actif. Puis bon, c'est un gars qui est dans les jeux vidéo. C'est un Italien, il me semble. Oui, c'est un Italien. Fait que voilà. Et puis, c'était un segment raciste, là. Non, c'est pas du tout! Non, c'est juste qu'il... Quand on revient dans le temps pour censurer ça. Non, mais il est très... Non, mais il est très loud, là, autour de toutes ces affaires. Tu sais, les Italiens, comment ils sont présentés au cinéma. Ouais. Tu sais, justement, que Peter Griffin, il a aucune idée c'est quoi un Italien, puis fait comme « Barabobi », tu sais. Tommy Tallarico, il est comme ça, tu sais. Ah ouais. Il est pourquoi justement les gens pensent que les Italiens sont comme ça, tu sais. Exact. C'est juste ça. On s'en va où, là, avec ça? On s'en va dire que Tommy était un amateur de télévision quand il était jeune. Puis la télévision était en suspens depuis la mort du fondateur. Mais non, c'est compliqué. Vous irez voir mon article sur RDS. C'est Et puis maintenant, Tommy est le PDG d'Intellivision. Ouais. Porte-parole. Le descendant. Et le gars qui gère ça. Fait que là, bon, il y a eu bien l'histoire et tout. Puis là, les derniers propos, ce qu'il a droppé aujourd'hui. Et puis, on va en savoir beaucoup plus le 1er octobre. Le 1er octobre est une grosse date pour la nouvelle télévision. Tout va exploser là. Mais là, ce qu'il a confirmé, c'est ce qu'il avait déjà commencé à me répondre sur la page Intellivision Invasion sur Facebook quand j'avais émis des réticences à ce projet-là. Moi, je pensais qu'il voulait faire, mettons, un Nintendo AVS, tu sais. Ouais. Comme un Intellivision full performant, sa grosse coche, tu sais, qui lit les cassettes puis tout. Mais non, lui, l'Intellivision sera une nouvelle console, totalement nouvelle, là. Mais il va avoir le mot Intellivision dans le nom. On sait, mais il n'y a pas le nom encore, tout ça, il n'y a rien. On sait pas la forme, on sait pas le look, mais il va avoir le mot Intellivision dedans. Mais c'est à peu près tout ce que ça a de Intellivision, d'après moi. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont annoncé que au niveau de la manette, ils allaient garder le disque. Parce que le disque d'une manette à la télévision, c'est pas mal unique, là. T'sais, c'est unique dans le sens que stick, c'est de la merde à utiliser. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, t'sais, mais est-ce que ça sera pas... T'sais, la manette était vraiment en rectangle de même. Fait que tu tenais ça comme ça. Mais t'sais, tenir une manette de même, là, c'est crissement pas le fun. Mais fait que là, peut-être qu'ils vont ramener ça comme ça, puis le disque va être plus facile à... Je sais pas. Peut-être que ça pourrait être un téléphone cellulaire. Puis autour du disque, ben peut-être que ça va ressembler à ça. Puis autour du disque, il y avait un petit anneau de plastique qui fait qu'à force de jouer à la télévision pendant des longues heures, ceux qui se rendaient jusque-là, ça te usait le pouce. Fait que, ben, ça usait le pouce, ça usait le disque aussi. Là. Ouais, le disque, il y avait une petite pellicule dessus qui s'enlevait. T'sais. Fait que, en tout cas, ils vont tous corriger ça. Pas avoir ça dans les boîtes en arrière, je sortirais l'intellivision pour l'éducation. Quand tu voulais platiner cette frisinette. Il n'y avait pas de frisinette, malheureusement. Mais quoi, donc? C'était à l'Atari, ça. Ah, c'était à l'Atari. Puis les bouts de choux, c'était au Coleco. Les bouts de choux, la télévision, il n'y avait pas de mascotte de même. Ça fait que ça bouille, il ramène ça de bord. Pas de mascotte. Puis dans le fond, la télévision, elle va coûter en bas de 200$ facile. Ben oui, mais ça. Puis silence. La télévision, Tommy, là, il dit qu'il y a plein de développeurs de jeux, des gros, des moyens, des petits. Tout le monde dans le game va développer des jeux pour la nouvelle télévision. Et ça sera des jeux uniques pour la télévision. Okay. Tu sais, elle va pas comme aller chercher des jeux de Steam ou whatever. C'est cette console-là, il va avoir ses jeux uniques à elle. Tout le monde va être willing de développer là-dessus. Tout le monde va avoir du plaisir à développer là-dessus. Puis ça va être juste pour ça. Okay. Puis la console va coûter en bas de 200$. Ça sera pas des jeux 3D ni rien. Ça va être des jeux style arcadesque, 2D. Ça va avoir des online features? Ou... Un store. Ben, dans le sens, elle va avoir un store. Ouais. Et puis, mettons que t'aimais ça jouer à Astro Smash dans le temps, qui est un excellent jeu à télévision. Ben là, le online, tu vas pouvoir jouer, mettons, contre des amis, comparer tes scores, ça fait un homme. Sacrement. Puis lui, il vise avec ça de pouvoir rentrer dans toutes les familles, tu sais, comme même ceux-là qui sont pas gamers ni rien. Cette console-là va s'installer chez tout le monde au sens que c'est pick up and play, ça va être le fun, simple. Et puis que la librairie sera pas grosse. Il a dit, j'aime mieux avoir 20 jeux dans ma librairie, que c'est tous des hits, que 50 jeux de marde, mettons. Fait que là... Je comprends, fond, mais c'est du wishful thinking. Ben de base, ben ça oui, tente man, c'est du pelletage de nuages. Qui c'est que tu vas développer pour ça? Moi, ça va être bon. Tout le monde est dans mon équipe. Signé Tommy! Hey, honnêtement, là, t'écoutes ça pis t'es ça comme... Ça sonne comme un échec. Man, ça sonne un échec, là, ouais, mais ça me fait genre, peur. Genre, tout le monde, toute famille qui ont un téléphone cellulaire en place a accès à comme un inventaire de jeux gigantesquement meilleur. Exact, tu peux pas compétitionner avec ça. T'sais, même Atari, t'sais, tout le monde est un Raspberry Pi est meilleur que l'intellivision. Ouais, mais ça sera pas... C'est des jeux uniques. T'sais, les jeux qu'il y a là-dessus. C'était la même chose sur la Ouya, la ben, même chose sur sais. La Phantom. La Gizmodo ben, avait des jeux uniques. La Gamescom, mon gars. Ouais. Le meilleur jeu unique. Mais tu sais, Atari prend les précommandes présentement. T'sais, c'est comme. C'est là, ça arrive. Ouais. Puis tu sais, encore là, le monde sont encore. Mais on comme, sait même pas si ça va être quoi cet Atari VCS. C'est ça, il n'y a pas là. Eu de test. C'est comme un trip de designer. T'sais. C'est un trip de flasher, mais avec rien en arrière. Ouais. C'est ça. Tandis que la télévision, c'est comme un projet d'inspiration, mais qui peut pas être backé logiquement par tout ce qui se dit, tout ce que Tommy dit. Ouais. Ça fait aucun sens. T'sais. Moi, pis, parce qu'en ColecoVision, j'aurais pu comprendre, mais télévision... Ben, la télévision après le caméléon qui était comme justement qui s'est fondu dans le décor. Là. Non, mais la télévision a eu une bonne run. Là. C'est pas, mettons, comme les jeux Vision, ben l'Odyssée, qui ont eu des bonnes runs, mais qui ils sont moins. Tu sais, la télévision fait partie du top 3 pré-NES. Il y a Beer Gun Québec qui nous rappelle que le VTech aussi avait des jeux uniques. Et honnêtement, je pense que je dis ça ici à soir, sur place, en direct, ça s'efface pas d'Internet. Mais je pense que VTech va avoir un plus gros succès que la télévision avec leur console. C'est juste le mot Intellivision nous fuck. On va savoir à quel point le mot Intellivision vaut de quoi quand cette console-là va sortir parce que le projet en tant que tel, genre, c'est une promesse qu'on a entendue maintes et maintes fois que même Nintendo ont trouvé le moyen de se planter avec sur la Wii et des affaires en main. Ouais, mais c'est ça que Tommy dit. T'sais, il dit Nintendo, ils ont fait la Wii, il était dans tous les foyers. Mais ils ont pas fait ça comme faux! Mais parce oui! Que, regarde donc, tabarnak! Ils en ont vendu, esti, man! J'aurais pu en avoir deux! Ils ont comme boosté l'entreprise, tu sais. Okay, puis lui, il dit que la Wii a choqué, puis il dit que lui... Ah, il veut en vendre des dizaines de millions. Puis moi, mon post sur Intellivision Invasion, je disais... Tu sais, faites la Intellivision AVS, là, tu sais, ben c'est ouais. Ça. C'est ça, ça va être 100, vous en vendrez pas beaucoup. J'sais mais vous allez être direct sur le target. Ouais, les amateurs d'Intellivision, ils vont être servis, man. Puis ils vont praise the Lord, cette affaire-là existe. Puis ça va être fou raide. Ben oui. Mais au lieu de ça, lui, il veut comme refaire une Wii, ouais. Mais meilleure, tu sais. Tommy, le monde veut payer 100$ pour ces affaires-là. Fais une Intellivision menée. Ouais, mais ça existe, ouais. Les Intellivision Flashback, par contre. Non, mais... ils menaient. Les Flashback, c'est la boîte. Et Nintendo, là, ils ont fait... ils prennent le temps de faire les mêmes manettes. Créer ça dans un Raspberry Pi. Money. Mais, Tommy, il fait ça. Arrête. Tommy, calme-toi, il fait ça. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que... le port, pour mettre des cassettes à Intellivision dedans, là, ça serait le fun, ça, tu sais. Ben oui. Puis les cassettes à Intellivision, là, il y en a fucking partout, ouais. Là. Tu sais plus quoi faire avec ça, sti. Il y en a dans les bacs, il y en a partout dans les ventes de garage. Moi, je me dis, quelle bonne façon de découvrir une Intellivision, ouais. Que d'avoir une Intellivision AVS, sa grosse coche, HDMI, plug and play, que tu sors le cart que t'as pogné dans une vente de garage, tu le branches puis tu joues. Mais eux, ils disent, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Personne veut ça. Alors qu'on s'adresse à des dizaines de millions de personnes avec notre super beau produit. Ben oui. Moi, je suis oh my god! Ils vont tirer partout comme des Mongols à essayer de pogner un public au lieu de genre comme faire plaisir au public puis faire de l'argent. Mais va chercher ton fanbase first. Ben oui! Va chercher le reste après. Ben il me semble, tu sais, mais. Ou va même pas chercher le reste. Fais juste plaisir à ton fanbase puis l'Intellivision a pas besoin de vivre plus loin que ça parce que c'est, oh ça vaut pas ça, tu sais. Ah non, mais c'est surtout mais que. Même l'Atari, l'Atari, on va le savoir vite, là, tu sais. Non, mais ça va être une belle machine. Ça va flopper, tout va flopper. C'est une Ouya skinée dans une. Mais bon. Un Raspberry Pi dans une. Ah, c'est-tu, man. Connais-tu Raspberry Pi? Ça, on va le voir souvent, ce post-là, prochainement. Bref, Dom, est-ce que t'as pre-ordered ta Intellivision? Non, parce que tu peux pas. Parce que c'est pas. C'est encore dans ta tête, Tommy. Non mais c'est pas un Kickstarter là, ça va sortir, c'est pas crowdfunded. Il est bien fier Tommy de dire que c'est pas crowdfunded. C'est ça, il y a rien t'sais. Encore. Moi aussi j'ai Video Games Live. Moi j'ai un projet pour la Gizmodo 2. Ouais. Tout le monde est dedans. Il y a des couleurs dans celle-là, il y en a comme 8. C'est genre la meilleure affaire. Écoute, ça est dans tous les foyers. Je ne suis pas crowdfunded. Ça va sortir. Quand ça va être prêt, et ça veut dire quand Freddy va être content. Bon. Gizmodo 2, scoop ce soir, ça s'en vient. Shit. Je le fais. C'est ah, malade. Quand c'est prêt. Puis va avoir Duke Nukem Forever 2 déçu au launch. Prince Tom. Mais tu sais, on rit de tout ça, mais moi je suis content que ça arrive. T'sais. Moi, ben, moi écoute, ça me rend heureux ça. Écoute, même si ça crash. C'est ça. C'est divertissant. Ça va exister. Il y a des affaires qui se passent. Ouais. Ça brasse la marde. Je pense qu'au-delà de ça, c'est pas la console et tout. Je pense que le problème de la chose, c'est que c'est un peu un manque de professionnalisme, désolé, mais tu sais, d'arriver trop enthousiaste avec un speech pis rien, tu sais, c'est un peu comme de la poudre aux yeux en ce moment, ouais. Y a rien mais de rien, tu sais. Ah mais t'sais... faut pas, s'il y a une chose que même la Chameleon, laquelle ils ont fait la Coleco Chameleon qui est arrivée, qui ont dit que ça allait revenir, puis qui ont fait des promesses, pis des promesses pis des promesses, à un moment donné, les gars, ils avaient pas le choix de montrer quelque chose, puis ce qu'ils ont montré, c'était pas vrai, puis c'était pire, tu sais. Là, en ce moment, on a rien, on parle que ça va être la meilleure affaire au monde, c'est comme, hey, mais genre un pied en avant de l'autre quand t'avances, tu sais, comme mais annonce que c'est là pour faire du hype, c'est correct, mais disant survends pas la patente parce que quand tu vas arriver avec ton Raspberry Pi, ça va être un peu embêtant d'expliquer pourquoi, tu sais. Mais l'Atari est dans le champ, mais je pense que pour vrai, je pense que l'Intellivision est quand même mieux enlignée que ça. Ah il faut dire qu'avec l'Intellivision, c'est tous des pionniers C'est du monde là qui était là à l'origine, là, qui sont là encore, là, qui sont pas morts, là, tu sais. Les Blue Rangers, là. Pareil, okay. Encore, vous irez voir les Blue Rangers, là, sur Google, allez taper ça, Blue Rangers à la télévision. Il y a tout un historique en arrière de ça. Tu sais, le gars qui est décédé, il est quand même praised par Tommy, puis par toute l'équipe, là, tu sais. Écoute, puis, tant mieux. Il y a comme... ils veulent pas faire ça en cabochon. Ouais. Puis ils veulent comme soutenir ça, puis que ça soit un vrai hommage, puis un vrai next step. Tandis que l'Atari, c'est vraiment juste pour le cash, puis le tape à l'œil. Ouais. Ça marchera pas. Mais je pense que la télévision, ça va pas marcher. Mais les intentions sont beaucoup plus nobles derrière la télévision que l'Atari, mettons, présentement. Ouais, les intentions, écoute, moi, je vais acheter la console qui va être là, qui va valoir la peine, tu sais. Il y a Eric qui nous parle justement, le combo qui dit, on peut pas chier ce qu'il y a un qui a un rêve, même si ce rêve est vide, mais tu sais, moi, les rêves, ça, c'est bien correct, mais tu sais, ça reste que quand tu t'en vas t'approcher la main de mon portefeuille en me disant des belles choses, ton rêve devient mon achat, puis tu sais, mon argent, je travaille fort pour le gagner, ouais. Je veux le mettre aux bons endroits, donc... C'est Dak. Garde, ton rêve est correct, mais mon portefeuille est à moi. Fait que bref, sur ça, hey les boys, on était assez chaud pour faire les questions du public. On peut! Il y a quelqu'un qui est Genius35 qui dit, les gars, avez-vous essayé The Awesome Adventures of Captain Spirit? Le jeu est sorti, je crois. Le jeu est en effet sorti, il est gratuit, je ne l'ai pas essayé encore, c'est la suite de Life is Strange. Ben c'est comme en tout cas, c'est un side spin. C'est ça, c'est dans le même monde. Exactement, c'est dans le Strangeverse. Tabarnouche. Mais moi j'avais commencé... J'avais commencé Life is Strange. Puis à un moment donné, je voulais rentrer dans une classe, puis il y a une fille qui voulait pas me faire rentrer, puis je ne trouvais pas la solution. Donc j'ai arrêté de jouer. Parce que c'était un soir, j'ai été chaud, et puis j'ai pas continué Life is Strange. Moi j'ai complété aussi seulement le premier épisode de Life is Strange. J'ai trouvé ça excellent dans le sens que. C'était pas un jeu que j'ai comme tant embarqué dedans parce que c'est pas mon genre de jeu tout simplement. Ouais. Mais j'étais vraiment content de voir un jeu aussi différent, tu sais, qui met de l'avant beaucoup justement la diversité. Tu sais, on joue une jeune fille, une jeune ado, on découvre beaucoup plus sur elle au fur et à mesure que le jeu avance, tu sais, qui est un peu reclus. Tu sais, je spoilerai rien, mais bon... tu peux voyager dans le temps un peu. C'est ça, il y avait comme un peu des pouvoirs et tout, mais tu sais, ça fait partie de la surprise du jeu. Il y a beaucoup de surprises dans ce jeu-là, y compris sur sa personne en tant que telle. Je pense qu'on sait qu'elle a une copine et tout, mais bon, bref. Je trouvais que c'était vraiment extraordinaire d'avoir fait un jeu comme ça, qui était bien fait, mais qui s'adressait aussi justement... à une clientèle différente qui est souvent un peu mise de côté. Il n'y a pas beaucoup de jeux pour la communauté LGBT plus. Il y en a, mais c'est j'ai tout détruit mon argument en faisant comme une blague comme ça, mais c'est juste une blague en fait sur l'appellation, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais tout ça pour dire, je pense que le Captain Spirit est un peu différent. C'est pas comme tu dis, dans le même univers, mais c'est pas le même propos, c'est pas le même ton. Qui a l'air un peu plus justement côté un peu préadolescence, naïveté et tout. J'ai pas essayé encore, c'est sûr que je vais l'essayer. Comme je dis, je suis pas un gros fan de ces jeux-là, les jeux qui sont trop narratifs, trop. Ouais. Les Telltale Games, je les apprécie, mais je sais que j'ai de la misère. Moi, j'étais en train de finir trop, Batman, là, puis je trippe ma vie. C'est vraiment bon narratif. Moi, j'ai essayé d'aimer Jurassic Park, mais c'est comme le pacing est lent. Puis on a choisi le bon, hein. Moi, je suis fan de Jurassic Park, le Jurassic Verse. Mais bon. Telltale, c'est pas là qui excelle. Faut que t'essayes les Walking Dead. Batman est très réussi. Système Borderlands. Borderlands est écœurant. Hein? Ouais, non, mais moi, c'est comme je te dis, c'est le style. T'aimes le lore, en fait. C'est le style de jeu que, à un moment donné, je fais juste lire. Attends, quand je regarde trop les cutscenes, les affaires, je décroche. Moi, ils ont annoncé qu'ils changeaient enfin leur engin graphique cette semaine. Ben, l'engin graphique, c'est pas le problème. Comme je te dis, c'est le fait qu'il faut que je choisisse des dialogues puis que je fasse des quick time events qui me gavent un peu. Mais bon, toi, Dominique, par rapport à ça, est-ce que tu. Est-ce que tu as des combats? Ok, mais dans ce cas-là, non, c'est une question. Une question qui vient de Facebook de Simon Lahaye qui demande. Là, les questions de Facebook, on les a mis, j'ai tout ramassé, je les ai mis au hasard pêle-mêle, on a ça ici. Donc, comment évaluez-vous la progression de votre habileté de joueur avec les années? Avez-vous l'œil aussi vif et le pouce aussi rapide que par le passé? Sentez-vous que vous avez atteint le sommet de votre compétence et que vous entamez une lente progression dégénérative vers la sénilité vidéoludique? Ou sentez-vous plutôt que vos talents s'approfondissent avec les années qui passent? Moi, je trouve... Il y a un hashtag résidence cassette. On a hâte de mourir, là. Ben, moi, je trouve que je m'améliore avec le temps, toujours. Ouais. Puis, ça va pas en descendant, là. Parce que t'es sérieux? Ouais. Moi, des fois, j'ai l'impression que mes yeux me lâchent. Des fois, non, mais je peux pas jouer si longtemps, mettons, mais... tu sais, je sais pas, j'ai réussi à, comme, masterer Ninja Gaiden 3 l'année passée, puis là, comme... Je suis vraiment rapide puis efficace là-dessus. Fait que j'ai vraiment heureux. Gunvolt, tu vois, j'avais chié ça il y a 3 ans. Puis là, comme je l'ai fait quand même relativement facilement. Fait que je pense que plus que je joue présentement, j'ai comme plus de patience. Puis je suis capable de me calmer. Je me dis, calme-toi, buddy. Au pire, recommence demain matin. Parce que là, c'est pas le moment. Parce que j'ai des enfants. Je leur dis la même fucking chose. Exact. J'ai dit, OK, hey, moi, man, tout le monde, on va se coucher. Demain matin, tout va aller mieux. Attends, je me pogne un café, puis je batte le truc, tu sais, qui marchait pas, là, tu sais. Je sais pas comment tu fais, mais j'ai quitté des jeux, tu sais, comme Quest of the Crystal Palace, c'est un jeu de NES que j'étais rendu au dernier niveau, puis je me sens crissement mal d'avoir Rage quitté. Moi, je l'ai puis tellement lâché. Super Spy Hunter aussi, j'ai Rage quitté ça, je me dis, Chris de cave, tu sais, il fallait juste que tu relaxes. Mais avec la tâche, c'est des jeux qui sont rough. T'étais un peu masochiste avec tes jeux. Parce que c'est sûr. Il y a des jeux qui sont littéralement brisés aussi. Mais ils sont pas tant briseux, eux autres, par exemple. Les hitbox sont un peu. Des fois, t'es comme. Je commence, puis. Moi, honnêtement, je sens que mes skills descendent. Tu sais, moi, je joue beaucoup en ligne. Puis, moi, ma vision, comme je me rends compte que j'en perds un peu. Tu sais, les jeux. Ah, tu joues en ligne contre d'autres gens. Des fois, je me rends compte que. Des gens qui font que entre ça. Entre autres, mais je vais y venir à ça. Mais moi, je me rends compte des fois que les jeux qui sont hyper colorés, à un moment donné, ça me brûle les yeux. Ouais. C'est comme, c'est pas comme ça que je suis comme. À un moment donné, faut que tu clignes les yeux. Puis là, quand je joue en ligne, c'est la même chose. Là, je me rends compte que des fois, ma vision lâche. Puis, tu sais. C'est comme, tu sais, les Call of Duty, j'étais vraiment bon avant, les Battlefield, ces choses-là, puis là, je commence à avoir un peu de misère. Puis le pire, c'est surtout, tu sais, des fois, tu t'en vas sur Spotify, puis t'as l'impression d'être vraiment un vieux pape, là, qui connaît rien en musique, et out of the game. Tristement, man. La semaine dernière... C'est qui ça, Lil Fuck? La semaine dernière, des tatous bleus d'en face. C'est ça. T'sais, la semaine dernière, on parlait de Fortnite. Puis Fortnite, c'est le jeu qui me fait sentir le plus vieux au monde. Coloré. À toutes les fois que je joue à ce jeu-là, premièrement, c'est hyper coloré sur ma Xbox One S. Et ça, c'est... C'est genre... Ça me fait reluire les couleurs dans le visage. En 4K, c'est pas pour nous autres. C'est ça. Mais fait que, tu sais, puis là, je joue à ce jeu-là. Puis, tu sais, quand je joue à PUBG, j'ai du fun. Tu sais, je suis comme, je suis dedans. Je fais juste tirer du monde. Quand j'arrive là-dedans, Chris, le style building, là, je le comprends pas dans ce jeu-là. Construire des affaires, là, c'est comme, je suis vraiment bon pour tirer les gens. Ouais. Ben, tu sais, genre, les gars, je les embusque, je les flingue, ils ont pas de chance. Je suis comme, crime, je suis bon finalement, je suis bon. Mais dès que je tombe sur quelqu'un qui est moindrement bon, puis là, je commence à tirer dessus, puis la première affaire que le gars il fait, c'est commencer à construire une affaire qui tourne. Là, je recule, puis je me dis, ok, c'est terminé. Ce gars-là va faire de quoi que je comprendrai pas. Pourquoi tu joues pas à Image Fight ou Legendary Wings à la place? Legendary Wings! C'est plus de ton âge. Ça détend. Avec les ralentissements, là, tu sais. Ça, là, c'est... En ce moment, je travaille fort sur un jeu qui s'appelle Moucha. Ouais, c'est Sega Genesis. Ah, le dernier niveau, man, j'ai pas réussi à le faire. Ce jeu-là, je dois admettre qu'il va chercher exactement mon problème de vision que j'ai tout à l'heure. Mon problème, c'est que j'ai de la misère en tabarnouche. Il y a tellement de couleurs et d'affaires là-dedans. Puis ça, c'est comme Robot à l'Est. Robot à l'Est, il est plus dur, je pense, mais c'est la même affaire. Plus dur que ça? Dans Robot à l'Est, ça c'est pas dur, c'est le dernier niveau que fucking dur. C'est Robot à l'Est, ce que je disais quand j'en parle dans ma critique, c'est que t'as une pluie de balles à l'écran sur un fond en arrière qui est animé puis qui bouge, puis au travers de ça t'as les power-ups qu'il faut absolument que t'attrapes. C'est comme, c'est ridicule. C'est genre, t'as l'impression de ces vieilles affaires là sont pas toujours bien, sont rarement bien pensées. Exact. En fait, c'est ça le problème. C'est toi, Bruno, est-ce que tu raffaiblis ou Moi, écoute, je dirais que ça va, mais je trouve que plus tu vieillis, plus tu deviens sage, puis t'as plus besoin de prouver rien à personne. En tout cas, en ce qui me concerne. Ah, moi, c'est le contraire. Non, mais moi, là, à un moment donné, là, mettons que justement, je joue à quelque chose, puis je suis comme, qu'est-ce que ça marche pas pantoute, ou je l'ai pas, ou quelque chose. Moi, à moins d'en faire la critique, je le laisse tomber. Faut dire que toi, tu consommes énormément de choses. Tu piges dans le rétro aussi. Ouais, tu sais, que tout ce qui sort, tu l'essayes. Puis Bruno, au travers de ça, tu fais du rétro. Bruno, c'est le gars qui va au buffet, mais qui sort de là puis qui a pas mal au ventre. Il n'y a pas trop surchargé. Exact. Tout, moi, j'arrive à la bine d'aile de poulet. Puis après ça, je m'en vais chez nous en plein. Il y a des frites, j'en prends. Moi, j'en prends. Puis là, j'ai mal au ventre. Mais c'est qu'il faut t'essayer plein d'affaires, justement. Les crevettes tempura, les patates, puis les sushis. Ça, c'est qu'à un moment donné, t'essayes plein de petites affaires, puis tu finis par voir qu'est-ce qui fait vraiment ton affaire. Les sushis au buffet chinois, là. Non, mais tu manges pas ça. Non, c'est dangereux. Non, non, vraiment pas. Okay, je veux pas encore plugger où est-ce que j'habite, mais le Casa Corfu. Le Casa Corfu, le brunch. Le brunch buffet, là, honnêtement, les gars, moi, je rêve du brunch buffet. Ben, une fois, j'étais allé manger le repas, là, du soir, mais c'était pas... C'est pas extraordinaire. C'est tous des petits gâteaux au soda aussi. Oh fuck. Ça goûte tout le temps. Mais je vais y aller pour déjeuner. On va l'essayer. J'habite à côté. On se fait un brunch, esti. Mais moi, où j'ai faibli avec le temps, je me suis rendu compte, c'est vraiment... Ben, online, à cause justement de mon non-compliance, parce que j'y vais, puis on dirait que c'est vraiment pas fait pour moi, ça me tape ses nerfs, fait que tu sais, j'ai fini par plus y aller, mais sinon, moi, je trouve que j'ai vraiment excellé dans les choses que j'aime, fait que je pense que c'est ça l'idée, quand tu vieillis, obstine-toi pas à faire des affaires que t'aimes pas, fais des affaires que t'aimes pour vrai, parce que t'as rien à prouver à personne, puis même si tu le prouves à quelqu'un, ça sert absolument à rien. T'as un doute dans la gang qui va faire comme « Ah, si, yes, toi, t'es mon boy! » Mais tout le monde s'en calisse. Fait que, moi, je dis, joue à ce que t'aimes. C'est bon, ça. Hey, écoute... Changeons. Ouais, on a plein. J'en bondis sur une chose que t'as parlé rapidement. Il y a Julien Leroux-Garot qui demande, via Facebook... Oui. Quel est le premier jeu que vous avez joué online? Holy shit! Ah, tu parles online? Chris, j'ai jamais joué online. Moi, c'est Socom sur PS2. J'avais une PS2 branchée. Wow, avec le modem pis tout. Là. Avec le modem pis tout, parce que j'étais tellement un gros fan de Socom, je trouvais ça tellement bon que je me suis dit, je vais me plugger un soccer de Socom. Pis j'avais du temps dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant, j'avais pas vraiment rien à faire, fait que je me suis plugué la grosse patente dégueulasse qui allait en arrière de la PS2 qui rendait ton bloc noir plus gros bloc noir. Yes, plus chaud encore. Plus chaud. Puis j'ai joué, je me levais à 4h du matin pour faire des parties avec d'autres mondes. C'est incroyable, ouais! Je jouais probablement avec Guy Mongrain, lui aussi, il se levait à 4h du matin pour faire salut bonjour. Puis jouait à Socom. Il jouait à Socom, les gars. Ça l'a réveillé. Sur sa plaie SP. Mais ouais, moi c'est ça comme le premier jeu. T'as jamais joué à aucun jeu online? Non, t'as joué en online à quelque chose quand même. Là. Ben dernièrement, quand j'ai eu ma Switch, j'ai essayé de jouer à Street Fighter Ultra. Puis y'avait personne. Fait que j'ai pas pu me battre contre personne. Mais avant ta Switch, je veux dire, ta PS3, ton ordinateur, maintenant... J'ai jamais joué sur ordinateur. Ce papa cassette est rétro legit as fuck. Ah, ça a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai des consoles. Je joue à ma console. Écoute, les consoles, ils se connectent. La DS Mario Kart sur DS était probablement le jeu. Comment tu veux jouer à DS? T'sais, moi, ma blonde, elle travaille dans. Elle est travailleuse sociale, OK? Puis avant qu'elle aille son poste, là, elle travaillait dans un centre jeunesse de temps en temps. Puis dans le temps de la DS, les gens utilisaient le système de messagerie DS d'une chambre à l'autre parce qu'ils pouvaient pas se parler pour chatter, tu sais. Puis c'est tout le online que j'ai entendu parler de la DS. Comment tu joues online avec? Mais il y avait des jeux online, le fun. Ben oui, mais Chris, il y avait qui là-dessus? Deux personnes? Ben voyons, Mario Kart DS, c'est genre le jeu. Ah ouais, toi, tu ouvrais ta DS, tu jouais à Mario Kart DS. Je faisais caca en jouant avec la planète entière, moi. Ouais, au Kamiden, il y avait quelque chose d'online aussi. Non, mais je sais que t'étais tous online. Oui, j'ai joué à Mario Kart sur DS. Oui, tout le monde a joué à Mario Kart sur DS. Parce que ce qui était le fun sur DS, c'est que t'avais pas besoin de parler à personne, Colin. Ouais. T'avais pas besoin de parler à personne, c'était juste, il y avait du monde qui popait, c'était des vrais humains. Même il y avait pas Wii. Il y avait de la compétition, mais moi, pas sur la Wii, c'est tellement extraordinaire. Quand j'ai joué la première fois à Mario Kart sur la Wii, je m'en rappellerai toujours, il y avait genre un personnage qui était dedans qui était Mom. Tu sais, il y avait comme quelqu'un qui s'était connecté avec sa Wii maison, qui a ramassé, tu sais, qui jouait avec sa mère, je sais pas trop, online, puis il y avait Mom. J'étais comme, ça c'est Nintendo in a nutshell. Mais écoute, moi, le premier jeu que j'ai joué online, c'était sur PC dans le temps. OK. C'était... Oh shit! Non, c'était d'autres choses finalement, mon jeu. Écoute, on y mais a... Mais vas-y. Il est trop tard. C'était... C'est fini, c'est la question. C'était... Grand Theft Auto. Calique. Puis moi, là, à l'époque, là, jouer sur le PC, premier? C'était compliqué. Le premier, celui en 2D / Top View 3D. Écoute, c'était tellement compliqué dans le temps de jouer sur PC. C'est genre, tu jouais à Doom sur modem, puis là, il fallait que tu te connectes. Tu sais, ça marchait jamais. Ce que je me rappelle d'une chose sur PC à l'époque, c'est que ça marchait jamais. Ouais. Il fallait toujours que tu gosses et tout. Puis ça, c'était le premier jeu que ça a fonctionné. Puis je me rappellerai toujours le feeling d'être parti dans la ville, d'étaler, genre, il y avait une flèche qui pointait où mon ami était, puis là, on était arrivé, puis je l'ai écrasé avec mon char, puis j'ai fait comme, Chris, que c'est hot, le futur, là, j'étais comme, wow! C'était genre, l'expérience la plus laide, le mais futur. Crime, c'était extraordinaire, c'était vraiment cool, t'avais vraiment l'expérience complète du jeu, mais qui était en multi. Donc, c'était mon premier jeu. Après ça, on a réussi à jouer aussi un petit peu à Duke Nukem 3D sur PC. Mais tu sais, c'était compliqué, il fallait que c'était jamais clair s'il y avait si t'avais d'autres mondes avec toi ou non. Là, la game partait pis t'étais comme 3. Diablo, il y a quelqu'un qui parle de Diablo, ça c'était vraiment dans les premiers jeux que le online était aussi solide. Ça, c'est... Avec le Battle.net, tu sais, au moins tu savais que hey, on rentre dans le jeu pis il y a tant de monde que ça, tu savais qu'il y avait d'autres gens et tout, mais c'était pas... Mais moi j'arrive pas à déchiffrer c'est lequel des deux. Il me semble que c'est le premier, mais moi je jouais à Warcraft ou StarCraft Online. Ah, mais j'arrive pas à trouver c'est ben, lequel StarCraft des deux. StarCraft était lui qui était sur Battle.net. Command & Conquer, moi aussi, Lifetime MX. Mais, ah, pas, sac, oui. Mais pas online, par exemple. C'est quoi, mais mon... j'aimais ça. Ça c'est quoi celle-là, mon beau ami? Mais ouais, je pense que c'était StarCraft. Malstrom, c'est pas fort, là, inquiète-toi pas. Ben, c'est une... Nous. Ouais, lui, il est chez eux. Moi, je t'en vais. Hey, moi, j'ai tellement de basic à faire, là. Hey, prochaine question. Hey, prochaine question, écoute, j'en prends une du public parce que. On en prend une du public. Il y a un corbeau qui est là qui dit hey, Bruno, rétro nouveau solo, est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est juste que là, je suis en train de me starter solide à la pige, brunogeorgeois.com. Si vous avez des besoins. Mais c'est ça, vu que je me start à la pige, en fait, là, je mets vraiment tout mon temps, toutes mes énergies là-dedans. Fait que c'est sûr que j'ai comme moins de temps pour setter mes autres affaires. Mais là, c'est ça, je vais probablement faire un rétro nouveau solo. Je vais peut-être même faire une critique vidéo prochainement parce que... RDS paye mieux que les critiques écrites. Mais non, mais là, pour, mettons, pour le prochain, tu sais, je vais faire The Crew 2. J'aimerais bien ça le livrer assez rapidement. Puis je sais qu'on n'aura peut-être pas nécessairement un prochain épisode rapidement. Donc, c'est ça, je vais peut-être faire une critique vidéo prochainement. Sinon, ça va être un rétro nouveau solo. On en parlera en conclusion. Mais rétro nouveau solo, ça va probablement revenir parce que je vais avoir plus de temps. Fait que, tu sais, je vais voir si je le fais en vidéo, si je le fais en audio. Mais ça me tente! Fait que... Ok. Considérons ça comme répondu. Oui, je vais aller aux toilettes. OK, pendant que tu es aux toilettes, je vais la dire assez fort pour que tu puisses l'entendre pendant que tu puisses. C'est quoi, avant que je parle, va y penser. Jonathan Melter qui demande: à quel moment de votre vie est-ce que vous avez réalisé que vous allez probablement être un gamer pour toujours? Oh shit. Hey, ça, c'est philosophique. Hey, moi, je l'ai réalisé le jour où est-ce que j'ai écrit sur Facebook que. Je suis encore gêné de ça, là, tu sais. En 2010, genre. J'achète vos cassettes! Non, non, c'est pas ça. Je pilais mes cassettes, pis tout. Pis, tu sais, là, j'avais pogné une armoire, là, baraque. Pis là, à un moment donné, j'avais comme trop de petites cassettes dans mon petit bac, là. Pis là, j'ai commencé à mettre ça dans ma chambre. Pis j'ai demandé à ma blonde, je peux-tu, comme, prendre une section de notre chambre à coucher, qui était très grande à l'époque dans notre appartement. Pis ah, mettre toutes mes affaires là-dedans. Puis elle a dit, c'est correct. Puis là, j'ai découvert le CCJVQ en faisant des recherches sur Internet. Puis là, j'ai découvert le terme rétro gaming. Puis c'est en 2010, je pense. Puis là, j'ai écrit sur Facebook, j'ai annoncé, je suis rétro gamer. Ah! Il a fait un coming out! J'ai fait un coming out, man, que j'étais un rétro gamer. Et puis, pas mal en 2010, sérieux, c'est là que j'ai sauté tête première là-dedans. Puis j'ai. Puis au début, puis c'était bizarre parce que avant ça, ma vie était pas si ponctuée que ça de gaming. Mais tu sais, ah, j'avais des amis qui étaient pas tant que ça là-dedans, puis tout ça. Puis avec le temps, ma gang d'amis a changé. Quoique j'ai gardé mes amis les plus importants encore, bien sûr, qui sont pas des gamers. Ceux qui avaient les meilleures cassettes à donner. non, mais des vrais amis, là, tu sais. On a un mais, tour, Mais c'est à partir de ce moment-là, puis là, à un moment donné, avec les années, je me suis dit, Chris, je fais juste penser à ça tout le temps, tu sais, comme mes projets qui ont rapport avec le gaming, collectionnage, tu sais. Collectionnage, ça prend beaucoup de place dans la tête, là. Des fois, ça on s'en rend pas compte, là, Steve, mais faire les pauses de nouvelles acquisitions, faire le ménage du nouveau loot que je viens d'avoir. Chercher des affaires, checker tes notifications. Là, je dis, tabarnak, OK. Est-ce que je suis trop là-dedans? Je suis un malade mental, là, tu sais? Mais je sais pas, man. C'est ça qui se passe, puis... En fait, Mon coming out est arrivé là, puis maintenant, j'assume 100%, mais je me... Quand je vais à travers, mettons, des événements mondains, je suis pas comme, « Ouais, moi, j'étais un gamer, man! » Je pense pas que je suis vraiment un gamer. Si je dis aux gens que j'étais un gamer, le monde va penser que je joue à... fucking League of Legends ou whatever. Faut que j'explique un peu ce que je fais. Moi, je dis toujours aux gens que je suis comme passionné par les jeux vidéo. Ouais. Parce que ce que je me rends compte, c'est que je passe vraiment, tu sais, ma copine Fanny, c'est un peu ça qui la surprend toujours, c'est que du gaming en tant que tel là, que je passe, tu sais, c'est pas mal en bas de 10 heures par semaine. Là. Puis quand je dis en bas de 10 heures, là, c'est parce que tu sais, ça peut varier. On passe plus de temps à collectionner à, comme 10 heures, qu'à, là, qu'à jouer. Là. Exactement. T'sais, on est toujours en train de dealer, collectionner, aller chercher, aller se promener, aller et tout. Tu sais, puis j'ai un peu la même histoire que toi, sauf que moi, j'ai pas fait de coming out sur Facebook. Non, c'est ça. Moi, je le cache encore. Mais tu sais, j'ai toujours gardé les jeux vidéo que j'achetais. Tu sais, j'ai toujours apprécié les pièces. J'ai vendu, évidemment, comme tout le monde, mon NES, puis mon Sega Genesis, Sega CD. Sega CD, c'était pas une grosse perte. Sega Genesis, j'ai réussi à retrouver facilement ce que j'aimais et tout. J'avais crissement pas grand chose parce que c'est ma grand-mère qui nous achetait nos jeux, pis tu sais, elle y allait à grands coups de Bayou Billy pis Ghostbusters. C'était pas le gros fun. Mais tu sais, j'ai tout gardé à partir du Super NES, Nintendo 64, GameCube. Tu sais, j'ai tout conservé mes copies et tout. Pis à un moment donné, ben c'est ça, tu te rends compte que comme tu dis, t'as l'étagère qui grossit, le Xbox 360. On perd tellement le contrôle, là. C'est génial. Moi, le Xbox 360, là, honnêtement, c'est la console que j'ai le plus acheté parce que dans ce temps-là, les jeux, c'était comme, à un moment donné, le dollar canadien était comme à parité avec le dollar US, puis les jeux coûtaient 59,99. Puis, tu sais, aujourd'hui, les jeux sont à 79,99. Mais il y a un temps où que ces jeux-là nous revenaient à peu près à 66$, 67$. Avec les taxes. Fait que tu sais, t'étais pas mal plus willing, on dirait, pour dire, hey, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Puis ça a grossi, puis ça a grossi. Puis aujourd'hui, je vais faire un petit, pan de caméra, tu sais, pour le fun de voir la patente, tu sais, vu ce qu'on est chez nous, parce que les gens, ils voient pas toujours. Tu sais, moi, ça commence là. Là, il y a un peu de boîtes de consoles qui sont là. Il y a tout ce mur-là que je sais pas comment je vais pouvoir passer. Hey, Colin. Yep, hey. Tout ce mur-là, avec le fond, le Genesis qui est là, le Super NES, le NES et tout. Chris, ça se remplit vite, ces affaires-là. Ça se remplit trop vite, c'est ça le problème. Ça se remplit très vite. Je veux juste dire à Genius35 que oui, une collection, ça s'assure indépendamment. On en a parlé, il y a une couple d'épisodes. Je veux pas partir là-dessus. Ça s'assure, ou sinon ça s'intègre au bien que tu as déjà avec ta propriété. Mais fais attention, t'sais, comme ça peut devenir trop cher pour ce que ça vaut la peine. Faire attention, effectivement. La grosseur de ta collection, puis comment ça coûte par année. Pickford qui parle beau magasin. Non, ça c'est pas le magasin. C'est malheureusement pas un magasin. Mais ce serait un magasin, on ferait du cash en tabarnak. mais non, l'idée, c'est une passion, c'est ça, juste une fois. C'est une passion, nous autres, on est des collectionneurs avant tout. Bref. Nouvelle question. Ben, moi que Bruno, t'as quelque chose à racheter. Ben, moi, en fait, j'ai jamais eu besoin de faire le gros coming out parce que j'ai eu Monsieur Net. Ça a aidé, en fait. Parce que c'était en 2008, en fait. Puis c'est ça, quand j'ai fait Monsieur Net, ça a explosé, t'sais. Puis c'est vraiment devenu. J'ai connu plein de monde comme ça. Puis c'est ça qui a fait mon coming out de gamer. Mais même encore aujourd'hui, des fois, tu sais. Je trouve que tu joues aux jeux vidéo puis c'est souvent vu comme quelque chose qui est fait un peu pour les kids ou tu sais quelqu'un te voit jouer avec une console dans le métro puis sont comme c'est jamais quelque chose de très adulte encore. Moi c'est je m'en fais plus avec vraiment ça. Stupide. Non mais moi je même m'en fais pas. On dirait que je suis en train de développer quasiment une fierté. Ouais. Parce que je suis tellement là-dedans là, tu sais. Puis peut-être aussi parce que j'en tire un revenu genre puis tu sais j'ai comme construit quelque chose avec ça. C'est comme, hey, fuck you, j'ai Arcane Montréal, je vais jouer à Switch dans le métro, puis moi, ma vie, c'est les jeux vidéo, tu sais, je sais pas, ça, je le vis un petit peu comme ça, là, tu sais. Moi, c'est fuck you, mais en même temps, je trouve ça triste que ça soit de même, c'est plus ça, en fait, je trouve que, tu sais, on a comme avancé en masse, mais il y a encore, tu sais... Moi, c'est comme, c'est pas genre, il y a encore du travail à faire, mais tu sais, je trouve que les jeux vidéo sont encore vus comme quelque chose de bébé ou waste of time. Mais en même temps, tu sais, que c'est inutile, les gens voient pas tous les revenus que ça amène à l'État non plus. La personne qui a une boîte de nuit ou un bar, tu sais, va passer pour un ivrogne si cette personne-là en abuse, tu sais. La personne qui trippe sur la littérature puis sur les livres, qui passe son temps à bouquiner, va devenir une espèce de reclus, genre, et qui fait juste, tu sais, comme être perdu dans sa tête. Tu sais, je pense que tout est une question de mesure et tout, tu sais. Moi, comme je te dis, on s'imagine que notre passion du gaming ferait qu'on est tout le temps en train de gamer puis qu'on est toujours avec notre casque d'écoute. Qu'on parle c'est tellement pas ça. C'est vraiment pas ça. Extrêmement à l'opposé de ça. Tu sais, j'ai comme. Où est-ce qu'on est 90% du temps avec nos enfants? Mais oui, on n'a jamais le temps de jouer. Tu sais, moi, je joue en masse, mais c'est quand j'ai le temps. Non, là, mais aussi, au-delà là. De ça, moi, depuis que j'ai découvert depuis que. Le sexe oral. J'ai découvert le. Tout a changé. Mais tu sais, depuis que j'ai découvert le CCJVQ, les gens en ligne, à un moment donné, ils se rendent compte que Chris, il y a d'autres mondes qui trippent sur les jeux rétro, la collection de jeux vidéo et tout. Puis tu sais, c'est là que j'ai rencontré Puis il y a du monde propre au travers de ça. C'est par là que je t'ai rencontré, par là. Tu sais, je me fais tout le temps. J'ai tellement de nouveaux amis dans ma vie, des fois que j'angoisse à me dire, Chris, comment je fais pour garder mes amitiés? Il y a des gens que j'ai pas vus depuis des années, je suis comme Chris, j'espère qu'on est encore correct, tu sais. Ouais. J'ai plus le temps, il y a trop de monde. Mais c'est vrai qu'à cause des jeux vidéo, moi, je me suis fait, et je vous dirais que la grande majorité de mes amis se sont faits à cause des jeux vidéo. Ah, moi aussi. Ça, c'est cool, hein, Chris. Mais moi, je suis content de ça, parce qu'avant, tu sais. Quand à ce coming out là m'a vraiment propulsé dans mais cette univers là. C'est vrai quand je t'ai rencontré, là, j'ai comme 1000 amis, tu sais, par rapport à ce domaine là. Puis j'ai gardé genre deux amis très importants pour moi qui viennent de mon enfance, de la Beauce, du primaire, qui sont à Montréal. C'est des Beaucerons, tu sais, qui vont toujours être mes amis. Mais avant, mettons, j'étais chum avec eux autres, puis leurs amis, mettons. Ouais. Puis on faisait des affaires avec ces gens là. Mais là, ces gens là, man. No way, man. Je n'ai plus rien avec eux autres. Là. Ma vie est à travers de la gang qui vient à l'arcade, la gang. C'est ça. Si je véhicule les Power Chasers, c'est comme tout ça. Ça a tellement changé ma vie, en fait. Oui. Là, ouais, pis, positivement. C'est exactement. C'est ça que moi, je trouve qui est cool. C'est que je pense que j'ai jamais autant été aussi occupé depuis genre 2 ans, là, je te dirais, là, que. je suis toujours sur la go. Quand je suis pas en train dans des événements sociaux, je suis en train de faire des trucs relatifs à la collection et tout. Puis je suis comme. Je me suis acheté un char, puis honnêtement, j'ai jamais fait un aussi bon investissement dans ce char. Je suis comme impressionné moi-même. Je suis comme, Chris, on s'en sert de ce char. Il dort pas dans le cours. Bref, oui, je pense que. Prochaine question. Prochaine question, écoute. Là, il est quand même. Ouais, il est 10h10. Écoute, oh, on peut dépasser un petit peu. On peut faire un petit spécial, si vous voulez, messieurs. Vu qu'on est, chaud d'ail, on continue. Je suis chaud d'ail. Vous me direz quand vous voulez qu'on arrête. Yes. On y arrive avec une facile. Benoît Parent qui demande. Ben Lennes, d'ailleurs, de son. On le salue. Bon nom. Oui, on l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai ton verre de lutte à échanger. Non, c'est vrai, j'ai pas ton verre de lutte, j'ai donné à Adam. Faut qu'on s'arrange. Jeff l'a amené au bar. Il est chez Arcane Montréal. Ce verre-là, c'est pas grave. On l'aura. Moi, je vais finir mon full set de verre de la lutte. Bref, Benoît Parent qui demande un remake de Penguin Wars. Pourquoi? Alors là, juste faire une mise en contexte. Ouais, c'est aujourd'hui, ça, on a appris qu'il y avait une version PS4 et Switch, je crois, ou Xbox One, de Penguin Wars qui va sortir. Et pour vous qui à la maison, qui ne connaissez pas Penguin Wars, c'est un jeu rétro assez poche, dans lequel... Ouais, c'était pas si fake que ça, moi j'aimais ça, Penguin Wars. Dans lequel on joue... C'est un jeu qui se joue genre, un contre l'autre. Donc, soit contre l'ordinateur, soit contre un autre joueur. Puis, on joue des pingouins qui se font face. Puis, les pingouins ont des il a derrière. Sa cassette de 262. Exactement, c'est ça. Ah oui, de man! Il n'y a pas de sortie officielle. Oh my bref, fucking swing god! Balle, c'est, faut que tu fasses tomber les affaires derrière de l'autre pingouin. Ouais, c'est quand vrai. Tu réussis à lancer une balle sur l'autre pingouin, ça le stun. C'est fait ça. Que pendant ce temps-là, c'est le premier qui libère de balles son côté. C'est fait ça. Que tu chaudes des balles, chaudes des balles, chaudes des balles. Puis quand tu tires sur l'autre, ça le stun. Fait que là, il est comme sur le dos. Il l'a même au Game Boy. Tes affaires. Il l'a au Game Boy aussi. Puis honnêtement, c'est pas des balles. Wow, man. Fait que bref, il y a une nouvelle version de ça. Je peux pas croire que ça arrive, des affaires de même. Astique, c'est inutile. Astique, c'est useless. C'est genre, fait un jeu flash, puis on va être correct ou. Non, man. Mais t'es un petit pingouin, pis il faut que tu lances des balles à l'autre, pis il y a une nouvelle version. Ah, c'est ça, version. C'est pas des cibles, c'est des je balles. Pense que je vais me l'acheter juste pour le. Mais ben non, arrête, tu m'encourages quand tu fais ça. Mon problème. Ouais, mais c'est cool! C'est mon enfance! Ah. J'ai joué à ça, man! Ben oui, mais moi, j'ai tellement joué à ça, c'est pour ça. Pis ben là, oui. La nouvelle version, il y a plein de nouveaux modes. Mon gros problème, ben moi, ça m'a vraiment excité personnellement, pour vrai. Mon gros problème, c'est le prix. En fait, il est 29,99 US le jeu. Ben oui, je trouve que c'est ça sûr, faut pas que tu payes la cassette. Là, bon... Non, mais ça n'a aucun sens vendre ça à ce prix-là. Mais ils mettent tout, hein. Ils mettent la gomme, mon gars. Ben oui, mais c'est sûr, il n'y a rien à faire. Je veux dire, une fois non, que non, tu peux bâtir, il est la base. Tu peux bâtir. Hey, je me suis amusé avec alors, ça. Alors, une côte de Bruno au Georges sur la boîte. Tu peux bâtir, Rex. Tu peux bâtir. Bâti, là. T'as du solide, là. Okay. Minecraft, chez les boules. Écoute, moi, je vais être bien honnête avec vous autres. T'as-tu déjà joué? Ben oui, j'ai déjà joué. Ok. C'est pas excitant, hein. Non, mais y'a-tu matière à se fâcher contre des affaires de. Oui, c'est ça, exactement. Alors que c'est juste genre du fanservice de genre, wow, hostie, tu sais. Ça a le droit d'exister des affaires comme ça. Oui, mais c'est pas obligé de faire des God of War à chaque seconde, non. Écoute, moi, je pense que t'as raison. Oui. Je te l'accorde. Je pense que oui. Cela dit, je trouve que faire une sortie physique de ça, c'est pas une question que. Tu vas me voler mon argent et tout. C'est plus une question que les gars, vous avez mis du temps, de l'amour, de l'argent. Chris, allez pas vous tuer à mettre ça dans une boîte. Mettez ça en download à 10$ ouais, en vente ouais, pas ça, mal. Ça, je suis juste très ouais, là, je l'achèterai pas en download, mais en collection, je ben, pense que je l'achèterai. That shit au pire, ah non, qui mangent la merde d'eux autres. C'est des mange-marde, ça. Moi, je les haïs, eux autres. C'est ça, ce sera pas les Method Run. Mais justement. L'annoncer, là, c'est une sortie physique, écoute, cette affaire-là. Moi, go. Ça a été dit. Ça a été dit. On y va avec nos questions Facebook, dans ce cas-là. Simon Fréchette d'Aou qui demande. Êtes-vous plus pour les abonnements mensuels ou pour les loot box? Donc là, on parle par exemple PS Plus, Xbox Live. Moi, je suis plus pour l'achat de jeux à 500$. C'est pas mal ça. J'aime mieux les abonnements que les loot box, en fait. C'est clair. Parce que les loot box, parce qu'aussi tu sais pas exactement qu'est-ce qui s'en vient. Puis les abonnements, je trouve ça cool parce que tu sais, c'est comme la promesse de contenu. Mais j'aime ça quand ils mettent leur calendrier. J'aime ça quand ils disent c'est quoi qui s'en vient exactement. Quand on dit, admettons, c'est quoi un season pass, qu'on dit qu'est-ce qui s'en vient dans le season pass, vous en donnez le goût d'acheter. Écoute, moi je suis 100% d'accord avec ça, les loot box, je ne traite pas une seconde. Faites des loot box qu'on peut acheter avec le game currency, mais pour le reste, ouais, allez, exact. Chier. Allez chier. C'est ça. Sur ce, on continue avec nos questions. Et d'ailleurs, avant d'aller à l'autre question, je serais à dire Fukoji qui dit qu'il achèterait Penguin Wars sur Intellivision. Ben, en fait, sur Intellivision. Intellivision. Alors, ça sera je te pas confirme possible. Que ça va être possible parce que je suis sûr que ça va sera sortir. Pas possible parce que ça existe ailleurs. Tommy, sur l'Intellivision, ouais, c'est juste des jeux d'Intellivision. Ah, c'est ça, c'est unique, c'est dédié, malade là. Qui vont en vendre 10 millions. Fait que Penguin Wars, désolé, ça existe ailleurs. C'est fait, c'est ça fait. Va se c'est déjà fait. On va y aller. Une question qui vient de popper sur Twitch. Alors, on va y aller avec cette question-là qui dit Elm Street 1428 qui dit pourquoi le prix des jeux rétro sur Nintendo Shop sont si chers? Exemple, Mario Bros 10$ et en vendait plus si c'était moins cher, non? Écoute, moi en tant que collectionneur, je peux te dire que Mario Bros, la version arcade sur NES, est à 25$, donc à 10$, c'est un bon prix. Ouais. La raison pour laquelle je te dirais que 10$ est le prix qui est vendu, c'est que je pense que c'est pas mal la norme en ce moment sur le marché 10$ pour un jeu de base. Oui. Si je me c'est une série aussi, c'est les Arcade Classics ou je sais pas trop c'est quoi. C'est ça, là. Ils vont en sortir fait que, plusieurs. Ils ont vraiment, ils se sont fait comme une espèce de modèle d'affaires puis ils sont tous 10$ puis that's all. Puis si c'est je tout. Me trompe pas, ils ont même rajouté un mode online, me semble, dedans. Donc ils ont comme... Pas sûr. Tu peux pas celui-là, mais... il me semble que non. Il me semble que non, parce que là, le Virtual Console s'en vient. Que yes, ça ouais. S'appellera pas le Virtual Console, ça va être... ça va être le online, mais Reggie a récemment confirmé que Nintendo Online, c'est ça qui remplace Virtual Console. Le Virtual Console, Patrick. C'est fini à ce moment-là. Il a dit, il a mis la hache dedans. Ben, c'est correct, il appelle ça Nintendo Online, que c'est tout là-dessus. Mais tout sera pas là-dessus, c'est ça l'affaire. Fait que, il y a des crosses. Là, ils veulent quand même faire des bidous. Et calé. Ouais, il y a des affaires qui s'en viennent qui ne feront pas l'affaire. Toi et Dom, un jeu aux 10$ Mario Bros. Comment tu ferais tout ça? Chris, Mario Bros. Mais non, c'est parce que toi, tu vas à copie physique en plus. Non, mais j'en achète là, des jeux d'affaires de même. Là. Mais mettons, dans le temps, sur ma 3DS, j'ai téléchargé des jeux de Game Boy comme Lock and Chase, Tumble Pop. Lock and Chase, t'as payé 10$ pour Lock and Chase? Non, mais je me rappelle pas comment il s'écoutait. Mais 10$, ben, 10$. Je l'ai téléchargé pour Retro Nouveau. Hey, Lock and Chase, mais bon. Excellent à la télévision d'ailleurs. Mais, hein. mais 10$, ça dépend en quoi, là, tu sais. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, moi, le physique, là, comme je me retiens tellement, là, parce que j'ai peur, le online, j'ai peur que tout sorte physique, puis j'ai obligé de payer deux fois. C'est vrai. J'ai la chienne. Mais t'es capable d'attendre. Lock and Chase qui est là, qui attend juste qu'on la sorte à l'Atari, dans mes jeux d'Atari. Oh my god! Et la pochette de ça, ça c'est du vrai 10$. Ça, c'est du vrai 10$, ça. Bon, mettez vos dollars là-dessus. Là. Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez ça, les petits bonhommes dans le coin. Peux faire que ça, tu vas t'expliquer la vie. M Network, c'est pour Mattel Network. La télévision était faite par Mattel. Or, quand ils ont voulu porter des jeux à la Atari 2600, ils ont ajouté. Ça, c'est un jeu à télévision. Mettons, t'enlèves ça ici. Là. Ça, c'est un cart à télévision. Mais là, pour que ça fitte dans un Atari, ils ont rajouté ça. Fait que ce Lock and Chase là est une version downsize dans le fond de la version à télévision de Lock and Chase. Ils ont fait ça avec le grand classique de robot là. Night Stalker. Bon, c'est Dark Cavern à la Terre. Okay. Et puis ils en ont downsize. Frog and Flies, c'est Frog Bug, c'est de l'intellivision. Okay. Fait que toutes ces fucking cassettes-là qui sont tellement mal empilables. Ah, ça empile comme du pied. C'est exactement un card d'intellivision avec un bout de rajouté. C'est le même format, le grip, c'est pareil. D'ailleurs, Dominique, ça fait partie, la question, mais. Hein? Non, vas-y, t'es lancé. Comment tu trouves mon setup de cassette Atari dans ma tablette? Moi, je trouve que c'est pas mal slick pareil. Ça semble ben, moi, je trouve que tu pourrais avoir beaucoup plus par rapport à ce qui nous passe entre les mains. Là. Mais t'as des belles choses. Là, mais... Non, mais je te demande pas les cassettes. Surtout mais... ton set à Coleco, là, je le trouve un peu. Coleco, je t'avoue que j'ai. As-tu une console, Coleco? En dessous de toutes les affaires de toi, il y en a une. Non, mais bon, t'as des beaux, voyons, Activision Special, dont Hero, bien sûr. Ouais, ça, c'est plaisant. Rampage est quand même bon. Pitfall 2, c'est bon. Est-ce que la signature de Looping est écœurante? Ouais, puis il est le fun, ce jeu-là, Coleco. Sérieux, il est bien fait. Là. Non, ce que j'allais dire tantôt, c'est que c'était probablement la cassette la pire niveau empilable. Tu peux pas l'empiler. Non, mais celle-là que tu avais tantôt. Là, ouais, non, c'est ça. Ceux-là, tu peux les empiler. Parce que le back, l'adapteur, dans le fond, il est plus large que la cassette. Fait que ça t'es empile, puis ça fait comme une pile ouais, qui pointe ça, par ça en avant. Même, fait que ça crisse le cœur. Non, c'est bien sûr. On en prend un autre, les boys. Ouais. Peut-être, on va finir ça bientôt. Peut-être une petite dernière. Une petite dernière, attends un petit peu. Écoute, deux dernières. Parce que la dernière est bonne. On va pouvoir bien finir là-dessus. Il y a Jean-Martin Rousson qui demande « Pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de la Panasonic 3DO dans le monde du rétro? Ben, » Parce que c'est de la merde! C'est un item de collection. C'est pas vraiment jouable. C'est agréablement. C'est pas plaisant. Non, c'est pas jouable. C'est dans le temps du vidéo laser. C'est comme la Sega... C'est comme un mauvais Sega CD. Sega CD, ouais, effectivement, mauvais. Mais je connais pas l'histoire comme il faut, mais il me semble qu'Eric parle souvent que c'est ça qui a triggered quand même la PlayStation, certaines consoles de... Ben non, t'as peur. Oui, le CD était là, mais la PlayStation, ça reste la faute de Nintendo, quand même. Non, mais en tout cas, je peux pas... C'est Trip Hawkins qui était, à l'époque, le président de Electronic Arts. Electronic Arts, à l'époque... Ah oui, c'est ça, il disait que c'est la 3DO était une console de EA. C'est ça. C'était, à l'époque, Electronic Arts portait son nom. C'était eux qui, justement, eux autres, voulaient faire des jeux vidéo, la même chose que les vinyles, les records, c'était leur truc, c'était comme, faut que toutes les boîtes de jeux soient comme, tu prends un jeu pis c'est bien beau, tu le regardes, tu l'adores et tout, pis allez chercher tous les petits gars sur PC, pis allez amener vos jeux sur console, on va faire des deals et tout. Là, même année, on a découvert que le sport, ça faisait de l'argent en tabarnak, plus que genre Shadow of the Beast, pis là, c'était comme, fuck les ces jeux-là. Mais Trip Hawkins était très dédié à ça, et justement, Trip Hawkins, à un moment donné, il a décidé de... Il a vu le futur en 3DO. Oui. Puis, 3DO, malheureusement, c'était pas super. C'est très niche comme style de collectionnage, là. Tu vas pas avoir de plaisir à jouer à la 3DO, jamais. Là, ouais, Street Fighter. Oui, mais en même temps, ta manette, ça te prend l'autre manette parce qu'il y a juste trois boutons sur une manette de 3DO, ouais. Fait que c'est pas... Puis aussi, la manette du Player 2 se branche dans la manette du Player 1. quelle abomination, quelle atrocité. Ce qui m'avait marqué du 3DO, c'est que... Puis il y a plusieurs versions de la 3DO aussi, de console. Il y a 4 versions, 4 versions de manette. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que, tu sais, à l'époque, tu regardais les screenshots dans les magazines, t'étais comme fucking blond. Là, à Mané, il y avait Jurassic Park. Puis, tu sais, moi, Jurassic Park... Encore Jurassic Park! Écoute, quand c'est sorti, j'avais 10 ans, puis man, ça m'a... Écoute, je capote Jurassic Park, j'adore Jurassic Park. Le Jurassic Verse est très fort chez nous. Puis la version 3DO, tu regardais ça, puis t'étais comme, tu sais que c'est malade. Puis genre, je me rappelle, mon rêve, c'était d'y jouer. C'était FMV as fuck, mon gars, là. Il y avait tout là-dedans. Tout était là, il y avait du first person et tout. Puis un moment donné, j'avais joué, je pense que c'était en démonstrateur dans un Radio Shack. Il y avait un 3DO et Jurassic Park, j'avais essayé ça. Pis tabarnak que c'était plat! C'est genre. Je me rappelle. J'étais là pis je grattais le jeu pis j'essayais de trouver le fun pis là il y avait du trivia, il y avait du puzzle. Il y avait un moment où tu regardais comme une vidéo qui défilait pis fallait que tu zappes des dinosaures dedans pis j'étais comme. Mais non, mais attends, c'est la 3DO là, il dort de quoi pis là, mané. Mes rêves ont été détruits. Ces consoles-là, ils s'éloignaient genre du gameplay snappy. Ouais, vraiment. Ah, c'était la réalisation. Mais ils voulaient faire des jeux vidéo vrais. C'était comme Dragon's Lair mais genre 10 ans en retard. sort. Ouais. Là, alors, c'est de la mort. Ce qui est dommage parce que je trouve qu'à la base, c'était un beau défi puis ça a juste été mal réalisé. Mais c'était une étape qu'il fallait passer, je pense. Ouais, parce que si... Ça fait savoir qu'on n'a pas besoin. Ouais, exact. Mais en fait, je pense que c'était important parce que le format cartouche tiré à sa fin. Ouais. Fallait aller sur le médium CD, puis l'idée d'aller dans de la vidéo pour faker du 2D en 3D, puis affaires, ça l'a forcé à pousser le CD. Puis une fois que tout ça s'est écroulé, on est retourné vers quelque chose qui ressemblait au 2D avec la 3D finalement. Puis là, on s'est rendu compte que Chris, on a un CD, on peut en mettre des affaires sa galette, puis ça coûte rien. Un CD, même dans le temps, ça coûtait 50 cents à produire, tu sais. Ouais. Alors qu'une cassette, c'était comme de la RAM. C'était comme aller acheter de la RAM. Puis dans le temps, la RAM, ça coûtait cher en hostie. Ouais. Tu sais, genre le Final Fantasy qui avait plus de RAM que les autres jeux, c'est pas pour rien qu'ils se vendaient genre 120$ au Walmart. Là. Mais le CD, il coûtait rien à faire. Fait que tu sais, la compagnie, c'était comme, hey, combien vous aimeriez vous mettre dans les poches? Comme, 50$! Fait que tu sais, ça a permis de déboucher ça puis de démocratiser vraiment le jeu vidéo où est-ce que finalement il y avait un prix unique, tu sais. Ouais. On est parti du modèle où est-ce que tu payais pour la cartouche puis le développeur espérait qu'il en vende assez pour se refaire du cash. Ah, écoute, tu vas te faire du cash, c'est sûr, tu sais. Un peu comme le modèle du download, tu sais. Ouais. Puis là, avec le temps, évidemment, le manufacturing, les consoles, tout le monde prend sa cote. Le cash, il s'est rebalancé, mais bon. Ça pour dire, c'était quand même une étape importante, je pense, dans l'histoire du jeu vidéo. Puis, même si ces CD-là pourrissent, puis se graffinent, puis se perdent, ça reste que, au moins, bref, on est rendu là. Donc là, il n'y a pas de questions sur Facebook. Ben, en fait, il y a de l'action un peu. On parle de jeu de PC, on a parlé un peu et tout. On va terminer, je pense, avec une dernière question de Emmanuel Mailloux. Avant qu'on pose sa question, on va quand même remercier tout le monde qui nous pose des questions. On a vraiment plus de questions qu'on peut en poser dans l'émission. Qu'on peut en répondre. C'est vrai. Ouais, qu'on peut en... Ben, poser, c'est y répondre aussi. Ouais. Donc, juste pour vous remercier quand même. Découragez-vous pas, reposez-les vos questions. Ben oui, exact. On finit par y arriver. C'est juste qu'on ne peut pas y répondre. Là, on a trop, on fait un shuffle. Ça nous sort des questions en l'ordre. On essaie d'être juste avec tout le monde. Mais bref, Emmanuel demande. Le jour où vous allez emménager aux Arcades Soleil, qu'allez-vous faire de votre collection? Hey, c'est pas compliqué. Dans le fond, aux Arcades Soleil, il va y avoir plusieurs souterrains, comme un parking souterrain à Castorier, mettons, pour les gens de Québec. Et puis, comme ça va creuser comme ça, chaque étage souterrain va être comme aménagé avec les collections de chacun, simplement. Puis, idéalement, on va mourir là. Mettons, bon, je vais aller jouer à Nark, tu sais, à l'arcade. Ah! Là, il y a quelqu'un qui meurt. Bon, ben, il est mort, joliment. Il n'y a pas de credits. Fait que là, tu mets tu mets sa urne sur le bureau en haut, tu sais, comme dans la fucking. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vas vendre ta collection avant de mourir ou tu vas aller? C'est drôle que t'en parles parce que je m'en vais chez le notaire demain à 11h avec ma blonde. Puis tantôt, on était au Ranger avec les kids. Genre, hey, elle me dit ça. By the way, as-tu pensé à tes affaires, tu sais? Moi, je dis, ben, je te donne tout, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais si on meurt, les deux! Ben, les kids, tu sais, mais ben, en attendant mes parents, là, tu sais, le notaire va arranger ça, c'est un détail. Puis moi, je me séparais pas, mais si je me séparais de ma blonde, je dis, comme, j'ai entièrement confiance qu'elle va gérer comme les enfants. On a les enfants ensemble, tu sais, Chris, les enfants avant tout. 50-50 là-dessus. 50% des enfants ou ben un chaque. Non, ben si moi je meurs, ma blonde, elle a toutes mes affaires, puis elle gère. 100% des enfants. Elle a 100% des enfants et de mon argent et de toutes les avoirs et de triplex, de tout pour gérer ce qui reste. Parce que moi, je suis plus là. Cela dit, ma collection de jeux, elle saurait peut-être pas quoi faire avec ça, mais j'y lègue quand même si je meurs. Écoute. Puis elle en fera bien ce qu'elle veut. Ouais. Puis cette collection-là représente beaucoup d'argent. Fait que ce beaucoup d'argent-là aidera mes enfants ou quiconque dans la legacy des bourrets, parce que c'est quand même juste des objets. T'sais. Mais j'ai rencontré, puis on n'a pas parlé, puis on n'en parlera pas, parce qu'il est trop tard, mais à l'université, je dis, hey, si je meurs, je pourrais peut-être comme léguer mes affaires à l'université. Là, t'sais. Mais moi, je suis très selfish, je suis bien méchant. J'aimerais mieux que mes enfants bénéficient de l'argent de mes acquis avant de les donner. Si j'avais pas d'enfants, peut-être, mais là, c'est mes enfants qui vont passer en premier. Là, t'sais. C'est sûr. Écoute, moi, j'ai pas de descendance encore. Ben, t'as un chien. J'ai un chien, mais il est parti. Il est parti. Il était vraiment écœuré. Il est écœuré, bliché dans le vide. Mais moi, je me dis toujours, primo, est-ce que j'en profite de mon vivant ou est-ce que je lègue ça, tu sais? Ouais, il y a parce ça aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un investissement. C'est comme de l'immobilier. Tu dis, Chris, je vais payer ça, genre 200 000, ça en vaut 400. C'est tout ça qui paye mes vieux jours, tu sais? Ouais. Maintenant, l'autre affaire que je me demande, c'est... À notre mort, là, quand tous les vieux bats qui ramassaient des cassettes vont comme tout commencer à trépasser vers l'au-delà en même temps, est-ce que ces cassettes-là vont en valoir autant? T'sais, est-ce qu'il y a encore, il va y avoir encore de l'intérêt? Peut-être que c'est le temps de vendre maintenant pour avoir le maximum. J'imagine, à chaque année, c'est de la spéculation enfants, que là, c'est à partir d'ici, ça descend. T'sais, mais... hey, t'sais, imagine demain matin, il y a quelqu'un qui arrive et fait comme « Bon! » C'est pour tout le monde maintenant, c'est gratuit, c'est que, non, ça, en même temps, c'est... tout arrive online. Moi, je pense que le prix va stagner autour de ce que c'est présentement. T'sais, si tout le monde demain dit « Ouais, les Little Samson, ils valent plus rien que 20$, c'est impossible là, parce que tout le monde va les acheter. Là, t'sais. Mais peut-être que ça va se faire avec beaucoup d'années, aussi, mais écoute, je sais pas. Mais en même temps, aussi, on le fait beaucoup pour le plaisir. Là. Ouais, moi, je fais ça avant tout pour le plaisir de ramasser ces affaires-là. Plus que le cash, c'est mais ça. J'avoue que là, tu sais, avec le temps, moi, je m'arruine pas tu ramasses dedans. Des gros morceaux, tu dis que ça c'est beau, là, puis tu payes comme un cash pour des affaires qui valent pas ça. T'sais. Mais en même temps, moi, il y a jamais. C'est un peu pour ça qu'on a une shop, c'est un peu pour ça que j'ai toujours vendu des jeux puis travaillé fort là-dedans. C'est que je me dis toujours, ma paye me sert à payer genre mes activités, ma bouffe, mon condo, mon char, mes vacances, toutes ces affaires-là. Puis tout ce qui est relié justement à la vente de cassettes, la chasse aux cassettes, toutes ces affaires-là, ça c'est comme... C'est tout un autre budget, tu sais. Ça pourrait être un autre nom au fisc, puis ça serait correct. Ouais. Tu sais, je veux dire... C'est un autre compte, là, dans ton accès. Jamais ces deux comptes-là se parlent, tu sais. Ça reste chacun de leur bord, puis... Tu sais, je travaille bien fort là-dessus, justement, pour jamais avoir l'impression de, un, de gaspiller de l'argent, et de, deux, jamais avoir l'impression aussi, tu sais, que je me mets dans merde financièrement. Non, faut pas se mettre parce qu'on le sait que, tu sais, moi, je préfère travailler fort pendant 3 mois pour m'acheter un Little Samson que de l'acheter direct, puis de, genre, me crisser dans merde, puis là, manger des ramen, puis là, m'amener 2 mois plus tard... ouais, finalement, il faut que je vende telle affaire. C'est comme non. Tu sais, moi, j'aime pas acheter à crédit. J'aime bien ça comme. J'ai travaillé fort, là, je le mérite, puis quand je l'ai, tu sais, je suis comme content. Mais ça, ouais. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire pour un autre jour. Est-ce que tu veux parler de l'Université de Montréal? Ah non, c'est trop long. On va. Il est trop tard, là. Ça, t'es trop tard. Ça fait 2h30 de show, là. Je pense qu'on est mieux de closer. On est mieux de closer. Parce que si on part là-dessus. Écoute, parce que je voulais parler de l'histoire de l'Université de Montréal. Ça va partir trop loin. On va se le garder pour le prochain show, qui d'ailleurs aura lieu, je pense, dans quasiment un mois. Quasiment un mois, peut-être deux ou trois semaines. Je sais moi, je tombe en vacances vendredi, puis toi aussi. Puis après, c'est en stand-by par rapport à ta job. Ouais. JF il est absent, fait qu'il sera pas sur le show avant le mois d'août. Donc, je sais pas trop exactement va être quand le prochain show de Rétro Nouveau. Est-ce que ça va être directement chez GF? Peut-être qu'on s'en fait un petit comme ça. Ça risque d'être en avant. Vous, ça c'est sûr. Ouais. Même au mois d'août, j'ai des affaires. Ben écoute, on va voir. Tout ça pour dire. Il va peut-être y avoir un Rétro Nouveau solo. Ouais. Parce qu'il n'y aura personne d'autre avec Bruno. Ouais, exactement, vu que je vais être seul. Bruno solo avec sa casquette comme Wingman. Exact. Mais bref, on espère que vous avez eu beaucoup de plaisir ce soir, mais oui, aussi on a eu. Que vous passerez de très belles vacances, parce que je suis pas mal sûr que vous aurez pas le temps de vous ennuyer nous tant que ça. Non, parce que non, tout le monde part, tout le monde va profiter de la canicule. Ouais. Mais cet été, bizarrement, il y a quand même des bons jeux qui sortent, puis tout ça. Les ça, sorties, on n'a pas trop parlé tout à l'heure. Non, on n'a pas trop parlé, puis on n'en parlera pas, mais il y a quand même des bons jeux qui vont sortir. Fait que j'ai l'impression que quand on va revenir, tout ça, on va avoir pas mal d'affaires à jaser. Ouais, du stock sur le feu. Fait que, ouais, il va y avoir ça qui va attendre qu'on en parle. Puis, ben du monde qui vont être en vacances, qui vont faire le truc de leur bar, qui n'ont pas le temps d'écouter des podcasts parce qu'ils sont partis dans un chalet en famille, puis maman et les enfants veulent pas écouter du monde qui font des jokes louches. en char. C'était pas si louche que ça. C'était mais pas si louche à ça, mais il y a tout ça. C'est pas écoutable avec la famille. Non, c'est il y a tout le temps quelque chose quelque part. Même que moi, j'ai peur que mon plus vieux a 10 ans, puis bientôt, il va catcher ce que je fais, puis il va écouter tout ce que j'ai dit pendant toutes ces années. Oui. Là, je me sens super moi, ma fille, il y a des. Tu sais, elle a des amis qui savent très bien qui je suis, puis qui ont parlé de Rétro Nouveau. Genre, ah ouais. Plus que moi, j'y en parle. Pis tu sais, des fois, tu sais, ça parle bizarre, pis nanana, pis ils font des jokes de sexe. Ah ouais. Fait que là, tu sais, là. Des mauvais mots pis des jokes de sexe. Ouais, pis, ça se dit ça. Fait que là, je fais que, fuck. Ah, les enfants, c'est touché, man. Tu peux pas faire ce que tu veux. Là. Non, exactement. Ben, c'est surtout nous autres, c'est public, là. Fait que. Ouais. C'est ça. Fait que, écoute, on voit que JF nous dit que pendant qu'on va être en vacances, il est en train de construire le studio. Fait que c'est merveilleux. Génial. Écoute, comme d'habitude, JF travaille pendant que nous, on se la coule douce. Ah, merci, c'est ça. JF. On slack ou douce. Il est le nerf de guerre. Même quand il est perdu dans le VR, ce gars-là, il travaille fort. Ah ouais, man, il n'y a rien pour l'arrêter, est-ce. Fait que, merci à tout le monde. Surveillez la page Facebook de Rétro Nouveau pour savoir les développements. Ouais. Ainsi, vous allez être à jour sur ce qui se passe. Indeed. Ou ce qui se passe pas, mais au moins, quand la minute qu'il va se passer quelque chose, vous allez le savoir. Ça sort, yes. Fait que that's it. Yes. Alors, bon mois de juillet aux gens. Bonne canicule. Merci de nous écouter. Merci à tous nos Patreons. Et puis, on se revoit très bientôt.